Mickaël à la radio. Tous les matins. Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Et on est là effectivement en pleine forme. Je n'irai peut-être pas jusque là pour ceux qui étaient avec nous hier soir. Je rappelle que on a fait la Libre-Antenne hier soir avec Top entre autres et toute l'équipe de Vince, puisque Vince était en congé et il est toujours, puisqu'on sera là d'ailleurs ce soir aussi à partir de 20h. Mais bon, Julie va bien passer un bon week-end. Ouais, j'ai passé un très bon week-end. Il faisait méga beau. Moi, je me suis fait la mer carrément. Ah oui, carrément à la mer. Trop bien. Ouais, mais avec un rhume quand même encore. Hein. Ouais, non, mais c'est normal. Attaqué, hein. Non, mais en même temps, c'est normal. C'est-à-dire qu'aller à la mer avec parce que il faisait beau, mais c'était un soleil d'hiver, quoi. Enfin, d'hiver. Non, ouais. Non, il faisait bon, c'est pas ça. Moi, je suis partie déjà avec le rhume. Hein. Moi, je l'ai pris dans le bagage. Okay. Bon, elle a préféré partir là-bas directement comme ça. C'est pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Bon, Toff, qui est là aussi, qui va arriver dans 5 minutes. La machine à café. Ben oui, mais c'est ça. D'ailleurs, si vous pouvez m'en ramener un aussi, même 3. S'il arrive à revenir jusqu'ici, hein, je ne sais pas. Si, vu déjà un peu ton état, je n'ose imaginer le sien. Non, mais moi, ça va encore. Hein. Franchement, je m'attendais à bien pire. Mais ça va aller. Je crois que vers 9h30, par contre, je vais aller dormir direct. Ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde, je pense, ouais. Bon, je te conseille de rester dormir ici. Hein. Oui, bah écoute, j'y ai pensé, figure-toi, mais je me suis dit, écoute, y a pas de matelas, y a rien, c'est un peu bizarre. Bon voilà, Toff qui est là également mais en pleine forme. Quel feignant. Mais quel feignant de quoi? Mais quel feignant, il va aller dormir après l'émission. Bah, et toi pas peut-être? Non, pas du tout. Ouais, c'est ça, mytho, va. Pas du tout, moi j'ai entamé ma vraie journée de travail. Mais ouais. Voir des meufs. Ah, ça. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que bah, vous allez passer une bonne matinée aussi. En tout cas, on est là pour vous aider jusqu'à 9h30 ce matin. C'est lundi aujourd'hui, le 17 octobre, avec pas mal de choses. Des places à vous filer pour l'Adventure Park. Ça, c'est. Y a pas de problème. Ce sera tout à l'heure avec le jeu du saut élastique, évidemment. Vous allez pouvoir vous inscrire, mais tout à l'heure, on aura l'occasion d'en reparler, on paiera et on vous remboursera vos factures également. 6322, débutez le message par facture dès maintenant. Vous pouvez d'ailleurs déjà vous inscrire avec des frais qui sont arrivés là, des factures. 70€ pour les objets de l'année scolaire, 57,66€ pour Mobistar, internet et fixe. Y a quoi aussi? 57,93€ pour le remboursement, mais on sait pas de quoi. 48,86€ pour des vêtements esprit, 200€ pour une cotisation club du foot pour le petit, j'imagine. Hein. Donc si vous aussi vous voulez qu'on vous appelle, vous avez le temps, ce sera dans 40 minutes. 6322, vous débutez votre message tout simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. On aura évidemment la ligne anti-relou et Dieu sait que le week-end elle marche toujours bien, la ligne anti-relou, forcément, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à utiliser ce numéro, le 0473 86 0013, numéro donc de la ligne anti-relou. Et ce matin, comme hier soir d'ailleurs, on va essayer de vous faire péter un petit iPhone 4S. Ah oui, comme ça, tranquille. Et ouais, avec le Mad Mix. Le Mad Mix, ce sera, et c'est 3 titres à reconnaître pour le Mad Mix. Je vous ferai écouter ça tout à l'heure. En tout cas, hier, on a eu une belle avancée dans l'émission, puisque nous avons découvert 2 titres sur 3. Ce qui est pas mal. Pas mal, là, il reste plus qu'un. Ouais, reste plus qu'un pour repartir avec l'iPhone 4S. J'espère qu'il partira avant 9h30. Je compte sur vous, en tout cas. On fera plusieurs jeux s'il le faut, il n'y a pas de souci. Et puis, on vous fera également, on vous offrira les écrans plats comme chaque matinée. Il y en a un par heure à gagner, écran plat ou pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes qui sont donc à gagner. Voilà, et pour jouer d'ailleurs, il y a bien évidemment la devinette qui colle. Attention, écoutez bien la devinette qui colle. Au plus je suis grande, au moins on me voit. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est un euro le message. Au plus je suis grande, au moins on me voit. Allez-y, 6322, un euro le message avec la réponse. Et si vous êtes tiré au sort avant 7h, eh bien on vous offrira peut-être justement ce nouvel écran plat ou tout simplement le pack Nintendo Wii avec la console et les jeux. Petit indice, on me voit souvent quand il y a beaucoup de lumière, mais jamais quand il fait sombre. Mm-hmm. J'ai quasiment donné la réponse là. Ah bon? Ah oui, quasiment, oui. Donc voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322, allez-y, bonne chance. Et côté musique, c'est Pitbull qu'on va écouter dans un instant avec Rain Over Me. Et l'info de Julie aussi arrive dans 2 minutes. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Vous l'avez imaginé. Vous l'avez rêvé. Il est enfin arrivé. L'iPhone 4S. Toute cette semaine. Fun Radio. Radio. Vous l'offre. Oh, merci. Restez à l'écoute de Fun et découvrez les 2 titres Dance Floor et le morceau intrus dans le Mad Mix. Pensez avoir trouvé? Envoyez tout de suite par SMS iPhone avec vos réponses au 6322. C'est énorme. 1 euro par message. Le Mad Mix, c'est une chance de gagner l'iPhone 4S. Toutes les heures sur Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Salut à tous, on débute ce journal par le sport. Ils avaient promis un cauchemar au Standard. Anderlecht a tenu parole. En 10e journée de championnat, Anderlecht a littéralement atomisé le Standard 5-0. Le FC Bruges a battu, quant à lui, la Gantoise 2-0. Anderlecht prend donc la place de leader dans le classement avec 23 points, suivi par le FC Bruges, ensuite la Gantoise. Le Standard est 6e avec 15 points. En cyclisme, pour la 3e fois d'affilée, Philippe Gilbert a reçu le trophée du Gala du Flandrien, qui récompense le coureur belge le plus régulier de la saison. Holding communal, le gouvernement wallon approuve l'accord trouvé entre chefs de cabinet. Le gouvernement wallon a donc à son tour approuvé dimanche soir l'accord trouvé dans l'après-midi entre experts représentant le gouvernement fédéral et les régions sur le sort à réserver au holding communal. Cet accord avait auparavant été avalisé par un conseil ministériel restreint fédéral. Chez nous, les 500 indignés ont passé une nuit de plus dans le parc du cinquantenaire. Des contacts sont également en cours avec l'ULB pour un accueil éventuel. Des débats sont en cours parmi les indignés pour fixer la suite de leur action. Certains souhaitent entreprendre de nouvelles marches vers des villes européennes comme Berlin ou Athènes. Un détenu sur trois est en séjour illégal en Belgique. Fin juillet, cela concernait 3215 personnes sur un total de près de 11 000 détenus. Deux sur trois sont définitivement condamnés. Un peu plus de 1000 sont par contre en détention préventive. Les autres bénéficient d'un autre statut. Ces détenus sont d'origine, entre autres, du Maroc, d'Algérie ou de Roumanie. En France, c'est François Hollande qui représentera l'EPS aux élections présidentielles de 2012. Il a remporté les primaires socialistes avec 56,47% des voix face à Martine Aubry. Cette dernière a salué la victoire de Hollande et appelle au rassemblement. Et puis enfin, Dominique Strauss-Kahn veut être entendu par la justice dans une affaire de proxénétisme concernant l'enquête sur une affaire de prostitution dans un grand hôtel lillois afin de mettre fin à des, je cite, insinuations malveillantes. Le nom de DSK a été mentionné par plusieurs médias comme étant celui de l'un des clients de prostituées œuvrant au Carlton de Lille. Journée pas trop mal, seuls quelques nuages viendront perturber le beau temps. Température cet après-midi de 13 à 17 degrés. Demain matin, retour déjà de la pluie. Ah oui, non, mais je voulais bien commencer la journée et vous annoncer une bonne nouvelle, tu vois. Voilà. On va faire le rappel, donc, de la petite énigme qui colle, bien évidemment. Et puis le son de Pitbull avec Marc Anthony, ce sera Rain Over Me. Fun Radio. Fun Radio. Évidemment, passons à la tour. Eh bien, ton GSM, tu le manipules souvent, c'est normal, comme nous tous. Et est-ce que tu as déjà pensé à ce qu'on pouvait trouver dessus? Si on faisait une petite analyse comme ça, ouais. Eh bien écoute, un GSM sur 6 porte des traces de matière fécale. Ah, voilà, je... c'est pas normal, c'est pas normal. Ah bah oui, bien sûr, oui, bien. Quand on dit que c'est pas normal, si, c'est pas normal, mais c'est pas normal d'y en avoir. Le nombre de gens qui vont voler, qui n'ont pas une impression, c'est normal. Mais voilà. Mais voilà, justement, c'est selon une étude menée au Royaume-Uni. Alors, 95% des personnes interrogées dans le cadre de cette étude ont affirmé qu'elles se lavaient les mains dès que possible. Et pourtant, 16% des mains et 16% des téléphones portables des participants portaient des traces de la bactérie E. coli. C'est la fameuse bactérie qu'on retrouve dans les intestins et donc dans les matières fécales. Ouais, mais il faut quand même rappeler que la fameuse bactérie E. coli, elle a quand même tué 48 personnes en Allemagne en juin dernier. Donc bon, si on pouvait juste rappeler aux gens de se laver les mains, ce serait bien, quoi. Oui, alors ça... Je n'ose même pas imaginer, ça me dégoûte. Bah ouais. Ah ouais, désolé, Tof, ça me dégoûte. Mais non, c'est pas ça. On les rappelle maintenant de la deuxième qui colle avant donc de relou également. Au plus je suis grande, au moins on me voit. Voilà, si vous avez un bon 63-22, écran plat à gagner ce matin, écran plat ou pas, il y a une tête de oui. 63-22 par SMS. Et donc, petit avis, on me voit souvent quand par exemple le soleil est derrière moi, ou la lumière est derrière moi. On proposait du blanc, donc pas du tout un trou, c'était pas la bonne réponse non plus. Qu'est-ce qu'il y a aussi Qu'est-ce qu'il y a également je sais pas. La lune, c'est Manu de Thuin. Non, non, pas du tout, non. Donc si vous avez la bonne réponse, eh ben 63-22, vous y allez. Et puis 6h35, maintenant on va s'écouter le son de Pitbull. Pitbull avec Marc-Anthony, c'est Rain Over Me sur Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Pitbull avec Marc-Anthony à l'instant sur Fun Radio, c'était Rain Over Me. Il y a Britney Spears qui va arriver dans un petit instant. Puis un petit SMS, j'ai pas compris. Je pense que vous n'êtes pas en direct, que c'est une belle arnaque, c'est honteux. Oui, je suis d'accord, c'est une arnaque. Et franchement, si c'est pour avoir ça comme message, je préférais rester dormir. Hein. Bon, bah écoute, si. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû rester dans notre lit parce que bon, de toute façon, on ne nous pense pas en direct. Donc bah c'est oui, très bien. Voilà, c'est ça. Non, mais je propose d'ailleurs qu'on aille dans notre lit. Et bah, quitte à pas être en live, autant qu'à faire, autant ne pas faire du tout ensemble, à la radio. Ouais, non, ensemble, non. Bon, 6h40 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Je vous rappelle la petite énigme là où plus je suis grande, au moins on me voit. Et bien voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'avais donné un indice tout à l'heure. En général, on me voit particulièrement quand il y a du soleil derrière moi, par exemple. Du coup, on me voit devant. Un truc comme ça, quoi. Voilà. Ouais, et ça nous suit partout. Oui, ah bah ça nous suit partout. Hein. Où qu'on soit, ça nous suit à partir du moment où il y a de la lumière. Donc voilà. Ce n'est donc pas une lampe. Hein. Ce n'est pas un trou non plus. Ce n'est pas la lune. Voilà, si vous avez la bonne réponse. 63-22, c'est 1€ le message. Écran plat à gagner ce matin. Écran plat ou le pack Nintendo Wii. Voilà. Et puis on va parler d'Arthur. Ouais, d'Arthur qui arrête l'humour. Mais a-t-il commencé vraiment un jour? Oui, c'est ça la question, ouais, c'est ça. J'étais sûre d'entendre ce genre de remarques. Mais écoute, en tout cas, pour ceux qui le trouvent drôle, Arthur, donc, c'est l'animateur là, qui était sur TF1, qui faisait les enfants de la télé, et qui s'était lancé dans le One Man Show, et plutôt avec de l'humour, hein, donc humoristique. Eh bien, il a décidé d'arrêter sa carrière ouais, mais pour 1 an et demi. Mais alors, est-ce que vous savez pourquoi? Bah non, justement. Là, vous dites, mais je suis pas sûre que la nouvelle vous plaise vraiment, parce que ce serait pour passer vers la comédie. Ah, il veut faire de la télé. Ouais, voilà. Donc, il dit qu'il veut se consacrer à ses enfants. Donc, il veut faire ce petit break de 1 an et demi. Mais ce serait aussi pour vraisemblablement s'orienter vers la comédie. D'accord. Tu vois, il ferait comme son pote Gad Elmaleh, ce genre de choses. Ouais, mais il passerait au film et il deviendrait acteur, quoi. Acteur. Écoute, pourquoi pas, hein. Ça va être bien. Non, mais après, il faut voir. Moi, je pense qu'il faut suivre ça de près quand même. Ouais, mais je pense aussi, oui. Parce que moi, je sais pas, moi, j'ai pas vu son spectacle. Voilà, j'avais vu quelques extraits. Bon, voilà, pourquoi pas. Ouais, mais alors, bon, Arthur qui passe au cinéma, là, ça peut devenir très très intéressant. En même temps, je critique, mais c'est vrai que j'avais jamais vu un spectacle non plus. Donc je critique. Son spectacle, ça serait pas Arthur qu'on aurait dit que c'était un mauvais comédien. Ah, ça, c'est possible aussi, ouais, c'est assez possible. Bon, en tout cas, on en parle si vous voulez donner votre avis, je vais y arriver. 6h42 sur Fun Radio et le 3044 par SMS pour discuter avec nous. N'hésitez pas, la réponse pour la question qui colle, c'est dans quelques instants. Et puis, l'iPhone 4S qui est à gagner cette semaine, si vous arrivez à reconnaître les trois extraits planqués dans le Mad Mix. Le Mad Mix, écoutez-le bien, c'est celui-ci. Si tu veux bien. Voilà, si vous avez la bonne réponse, si vous pensez savoir où. Pas où, mais. Quels sont les trois titres planqués dans le Mad Mix? Là aussi, 63-22, sauf que vous débutez votre message simplement par iPhone. Avec les trois réponses. Ouais, tout simplement. Avec les trois réponses, vous envoyez vos messages au 63-22, débutez le message par iPhone. Et dans un instant, on va écouter Britney Spears. Alors pour ceux qui nous disent, oui, vous n'avez pas l'air réveillé ce matin. Non, c'est parce qu'on a une grosse merde technique et que du coup, on est un peu perturbé par rapport à nos habitudes. Voilà, mais vous inquiétez pas, on va gérer, il n'y a pas de problème. 6h43 sur Fun, dans un instant, la nuit anti-relou. Et Britney Spears avec Criminal. Mickaël à la radio. Bonjour Mickaël, c'est Alizé Poulitschek. Je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. Mickaël. À la radio. Vous l'avez imaginé. Vous l'avez rêvé. Il est enfin arrivé. L'iPhone 4S. Toute cette semaine. Fun Radio. Radio. Vous l'offre. Oh merci, je suis très, ça déchire. Restez à l'écoute de Fun et découvrez les deux titres Dance Floor et le morceau intrus dans le Mad Mix. Vous pensez avoir trouvé? Envoyez tout de suite par SMS iPhone avec vos réponses au 6322. C'est énorme. 1€ par message. Le Mad Mix, c'est une chance de gagner l'iPhone 4S toutes les heures sur Fun Radio. Fun Radio, le son Dance Floor. Eh bien, accident sur le ring de Anvers en direction de Gand. C'est à hauteur de Antwerpen-Ouest. Et la chaussée est partiellement obstruée. Également, véhicule en panne sur le ring d'Anvers, toujours cette fois-ci en direction des Pays-Bas à hauteur de Deurne. D'accord, donc faites gaffe si vous êtes... sur la route. Si vous êtes témoin d'un problème d'ailleurs sur la route, n'hésitez pas non plus à venir nous en parler. Vous faites un petit SMS au 3044 pour nous prévenir ou alors tout simplement un mail sur mikael@funradio.be. La ligne anti-relou comme chaque matin sur Fun Radio, c'est parti. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Allez, la ligne anti-relou comme chaque matin sur Fun Radio avec tous vos messages bien évidemment. Tous les messages qui ont été laissés tout le week-end. Et Dieu sait qu'il y a pas mal de problèmes le week-end quand on va en boîte. Dieu sait qu'il y a pas mal. Mais bien sûr, des relous. Et encore des relous. Julie en sait quelque chose. Effectivement, oui, tout à fait. Ah oui, non, mais moi je suis entourée de relous, mais c'est exagéré. Tu penses ton mec, ça fait, franchement, moi, à sa place, je serais pas contente. Vraiment, je le vivrais très très mal. Il est formidable. Ah, mais oui, il est beau, c'est super magnifique, c'est génial. Voilà, c'est bon, c'est fini. Oui, c'est fini. Voilà. Bon, alors attention, nous allons maintenant écouter les messages laissés sur la ligne anti-relou ce week-end. On écoute ça maintenant. C'est parti, ligne anti-relou, c'est le 0473 86 00 13. On écoute le premier message, c'est parti. Salut Biatch. Voilà, tu m'as mis une boîte, donc Biatch. Voilà, Biatch. Ah, écoute, sympa. Il avait l'air vachement sympa, celui-là aussi, hein, plutôt sympathique, effectivement. Mmh. Premier message de la ligne anti-relou ce matin, Biatch. Tranquille, ouais, pépère, ouais. Tu as un message qui t'a des problèmes avec ton micro, Mickaël. Oui, il y a quelques petits soucis, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a quelques petits problèmes, mais on gère au mieux, vous inquiétez mais pas, oui, en tout cas, on va s'en sortir. Mais oui, ça devrait bien se passer. On va survivre. Bon, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin, on écoute ça de suite. Oui, bonjour monsieur, je vous téléphone parce qu'au fait, je suis passé à votre commerce hier dans la matinée et la vendeuse m'a donné gentiment votre numéro de GSM personnel. Donc je vous contactais pour voir s'il y aurait moyen d'avoir un rendez-vous ou de s'arranger pour que je repasse ou quoi. Si vous pouvez me recontacter au numéro que je vous ai laissé hier, ce serait très gentil de votre part. Merci. Ah, le numéro de la ligne anti-relou peut fonctionner également quand on est commerçant et qu'en général on déteste voir arriver les représentants, tu vois, qui viennent te refourguer tout n'importe quoi. Alors du coup, tu peux te donner le numéro de la ligne anti-relou. Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça à la base, mais ça peut être une idée. Troisième message laissé ce matin sur la ligne anti-relou. Écoutez, c'est parti. Ah oui, c'est assez vrai. Ah ouais, t'imagines, t'appelles une fille, t'as bonjour. Ouais. Ah mais je crois qu'il a pété un plomb. Hein. Bah tu passes un peu pour un con surtout. Hein. Ouais, je pense qu'il savait pas trop quoi dire. Tout d'un coup, il s'est fait bonjour. Voilà. Ouais, bizarre. Vous préparez un peu votre intervention si possible. Ouais, tant qu'à faire, c'est mieux. Ouais, tant qu'à faire, c'est beaucoup mieux, effectivement. Voilà, 6h50 sur Fun Radio. Bon réveil. Dans un instant, on va appeler nos amis liégeois, évidemment. Hein. Ah oui. Ah, bah, c'est normal qu'on appelle Liège après cette défaite hier. Débâcle. 5-0. Tu vas les énerver un petit peu, je pense. Bah ouais, on a essayé d'appeler des bars hier soir dans la libre antenne, là. Et puis bon, ce matin, on a décidé d'appeler des gens. Ça fait 60 ans que c'est plus arrivé, je pense. Ah ouais, mais là, c'est violent quand même. Hein. 5-0, c'est très dur. Surtout que bon, pour avoir suivi un petit peu, à la mi-temps, 1-0, même s'il y a eu un but refusé alors qu'il était bon. Enfin bref, jusqu'à la 70e, 1-0, tu te dis bon, allez, il y en a un des deux qui va mettre un but. Et puis, poum. Ouais. C'est tombé, un truc de dingue. Voilà. Enfin bref. Bon, on va en parler dans un instant. Donc, on va appeler nos amis liégeois. Si vous connaissez à Liège des gens qui sont à fond pour le Standard, super 100% fan de foot, n'hésitez pas à nous transmettre les numéros de téléphone au 3044 qu'on puisse bien évidemment les appeler. Je compte sur vous. Allez, on va s'écouter le son de Britney Spears maintenant. C'est Criminal sur Fun Radio, 6h51. Bon réveil. Mika sur Fun Radio avec Elle me dit, 7h10, on paye les factures. Tous les matins. Et on écoutera Nadia Ali aussi dans un instant avec Pressure. Et c'est parti maintenant, on y va, on appelle quelqu'un qui s'est inscrit au 6322 par SMS à 1€ le message pour repartir avec le remboursement intégral de sa facture. On y va, on appelle maintenant et on va rembourser combien Tof ce matin 57,66€. D'accord, ok. Allez, c'est parti, on y va. Oula, ça sonne et ça hurle dans le téléphone. Quand faut-il décrocher évidemment et répondre à la question que je vais poser. Évidemment, c'est normal. Allô ? Allô ? Oui ? Allô, bonjour ? Bonjour. Bonjour, qui paye les factures le matin ? C'est Fun Radio. Mais oui, évidemment. Bah si c'est vrai. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Marc. Eh ben Marc, salut Marc, c'est Mickaël, donc t'es sur Fun Radio. Et on va te rembourser ta facture de 56 euros, c'est ça? 7,66. Ah, c'est super. 57,66, c'est pour payer quoi ça? C'est pour payer un surplus de virus informatique surtout. Un surplus de virus informatique. Mais qu'est-ce que c'est? J'avais un logiciel, j'ai attendu de me réveiller en plus. T'as vu, il a le réveil intelligent, c'est-à-dire qu'il a le réveil, il décroche et il fait style, il est réveillé depuis 2 heures déjà, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout, il a encore les crottes d'yeux dans les yeux, tout ça, dégueulasse. Hein, tu as encore la laine du matin d'ailleurs, si je peux me permettre, pitié, Marc. Pitié. Il va falloir te brosser les dents la prochaine fois avant qu'on t'appelle, ce sera plutôt sympa quand même. Bon, et ben écoute, quoi qu'il en soit, tu veux nous envoyer la copie de ta facture et puis on va te rembourser sans problème. Ok, je vous remercie, super. Et ben y a pas de problème, Marc, t'es dans quelle ville? Je suis à Yvouramet. D'accord, c'est tout. Le Verliel. Ah, allez, le standard! Ah oui, ça c'est. Il faut pas en parler. C'est pour prochaine. C'est un sujet sensible. D'ailleurs, on appellera encore des Liégeois tout à l'heure vers 7h50, donc restez bien là. Bon, mais passe une bonne journée, Marc. À bientôt. À bientôt, merci. Et je t'en prie, reste au standard. Et puis les autres, si vous voulez aussi qu'on vous appelle en direct pour tout simplement vous offrir le remboursement de votre facture. 6322, vous débutez votre message tout simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et en parlant de facture, il y a un téléphone aussi qui coûte une grosse blinde, c'est l'iPhone 4S. Et on vous le file toute cette semaine. Il faut réussir à reconnaître le Mad Mix. Si vous avez une idée de quels sont les 3 titres planqués dans le Mad Mix, hier soir dans la Libre Antenne, on en a trouvé 2 déjà, écoutez bien. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance, vous débutez votre message par iPhone avec les 3 morceaux que vous imaginez être planqués dans le Mad Mix. Vous laissez bien évidemment le nom ou le nom du chanteur, chanteuse ou du groupe, bien sûr. Bonne chance tout le monde, dans un instant l'horoscope de Doudou. Et à 7h13, on écoute Nadia Ali maintenant, c'est Pressure sur Fun. 7h16 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec les iPhone 4S qu'on va vous filer tout à l'heure. Là, vous êtes nombreux déjà à vouloir jouer, à donner... Et des mauvaises réponses, parce que vous n'êtes pas tous dans le bon, malheureusement. C'est pas de chance. Oui, c'est pas de chance. Et avant de faire l'horoscope, nous allons accueillir maintenant qui ça pour la bonne réponse d'ailleurs de l'énigme. Nous avons Eric, 43 ans de hâte. Salut Eric, 43 ans de hâte, comment vas-tu? Ça va très bien. Eh ben tant mieux, alors sois le bienvenu, Eric, 43 ans de hâte. Alors, Eric, tu as la réponse à la devinette qui colle, donc devinette qui colle que je vais rappeler de suite. Au plus je suis grande, au moins on me voit. Une ombre, effectivement, oui, j'avais dit avec le soleil, on voit forcément beaucoup, etc., etc. Bien donc joué. Oui, c'est une bonne réponse, bravo à toi. Eh ben, écoute, c'est parfait, hein, on va t'envoyer le cadeau très très vite, alors du coup. Pardon ? Je dis, on va t'envoyer le cadeau, l'écran plat ou le pack Nintendo Wii, tu veux choisir quoi ? Lui aussi, je pense, ouais. Un écran plat, voilà, et ben tu vas gérer au standard, on prend tes coordonnées pour t'envoyer ça rapidos. Y a pas de souci. Tu viens de quelle ville, au fait ? Ah, c'est ça ? C'est un petit village de Hâte-Lavou. D'accord, très bien. Eh ben, on salue tout le monde là-bas. Et puis, passe une bonne journée. Tu restes au standard, d'accord? Très bien, merci. Salut. Et on va passer maintenant à l'horoscope, évidemment, avec Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Et oui, l'horoscope, comme chaque matin sur Fun Radio, 7h17. On vous a pas vu hier soir, Doudou, là? Bah, où ça? À la radio, Doudou. On faisait la libre antenne hier soir et ce soir aussi, d'ailleurs. Oh là là là là là. Vous voulez me dire que vous avez fait le matin et le soir le même jour? C'est ça, oui. Oh là là, mais ça va pas bien dans votre tête, hein. Vous êtes sûr que vous êtes pas possédé par le démon, là? Hein, faut que je fasse une analyse de votre karma, c'est pas possible. Mais non, mais c'est pas. Mais non, Doudou, c'est pas la peine. Mais bon. Bon, remets ça ce soir, on vous attend ce soir. Oh là là, mais ça va pas être possible, mais vous êtes fous là. À partir de 20h, on fera l'horoscope, tiens. Mais bon. rien du tout, moi je viens pas. Oh là là là là là. Bon, allez, commençons par les béliers. Alors, les béliers, battez-vous avec détermination et le succès arrivera. Les taureaux. Soyez réceptifs aux besoins de votre partenaire. Les gémeaux. Une embûche sur votre chemin ne va pas vous arrêter quand même. Bah, j'espère en tout cas. Les cancers. Oh là là là là. Oh non, qu'est-ce qu'il y a encore, Doudou? Aujourd'hui, vous êtes imbattable et une bonne idée vous apportera un succès professionnel. Enfin, voilà la vérité. Encore faut-il avoir la bonne idée. Je peux pas tout faire non plus. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, les lions. Une fois de plus, vous ferez l'expérience qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même. Les vierges, c'est que par soi-même, je pense, non? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Bah, vous avez oublié le que, ce qui veut un peu rien dire du coup. Hein, oui, bon. Si, on est mieux servi par soi-même, ça marche aussi. Oui, mais c'est donc que par soi-même. Bon, les vierges. Votre ambition malsaine pourrait vous causer des problèmes. Les balances. Avec de la diplomatie, vous continuerez à avoir du succès. Les scorpions. C'est bien de s'engager pour les autres, mais veillez à ce que votre serviabilité ne soit pas trop exploitée quand même. Les sagittaires. Il faut parfois bien faire la différence entre vos amis et vos adversaires. Les capricornes. Demandez conseil à votre partenaire. À deux, on voit mieux les choses. Les Verseaux. Ne jouez pas à du jeu de hasard. Vous n'en gagnez... Pardon, c'est ce que je disais. Ah oui, vous êtes perdu, hein. On recommence. Oui. Allez, hop, alors, les Verseaux. Les Verseaux, ne jouez pas à des jeux de hasard ou ne vous engagez pas dans des spéculations. Et pour finir, les poissons. C'est un bon jour pour en finir avec des disputes de famille. Eh ben voilà, tiens, bonne chose. Nous, on vous retrouve dans une heure. Ah bon? Bah oui, dans une heure pour le nouvel horoscope. Et on va aussi d'ailleurs donner la bonne réponse. On va donner la nouvelle énigme pour repartir avec les écrans plats. La réponse peut-être aussi pour repartir avec l'iPhone 4S ce matin. Et Maroon 5 qu'on écoute maintenant avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Et on parle aussi de X Factor dans un instant sur Fun. C'est Fun Radio, il est 7h23, bon réveil tout le monde, c'est lundi aujourd'hui le 17 octobre et nous sommes là jusqu'à 9h30 comme chaque matin avec la nouvelle énigme dans un instant. Nouvelle énigme pour repartir avec un écran plat, ça va débarquer dans un instant. Il y a également l'iPhone 4S avec le Mad Mix à découvrir, ça aussi ce sera dans quelques instants. Et info évidemment, ce sera à 7h30, ça aussi ce sera dans... quelques instants. Mais avant cela, nous allons parler de X Factor. Et oui, X Factor, donc, c'est... alors, je vais vous apprendre comment massacrer une chanson en trois leçons. C'est très important, il fallait pouvoir en parler. Ouais. Donc, ça se passe dans l'émission X Factor en Bulgarie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, X Factor, c'est un concours de chant où les castings se font en public. Et là, arrive une blonde. Voilà, si vous arrivez à reconnaître la version originale, je vous offre un cadeau, hein. Non mais sérieusement. Et donc là, la meuf, elle s'y croit, elle commence à courir sur scène, etc. Et là, écoutez. Ah oh, mais c'est horrible. Et là, elle tombe. Voilà. Et donc même sur l'image, on entend bien le micro qui s'écrase. Donc normalement là, toute personne normalement constituée serait partie se cacher, etc. Mais elle non. Donc la meuf, elle a pas honte du tout en fait. Hein. Elle remonte sur scène et bien évidemment, elle termine ce qu'elle a commencé. Eh oui, voilà. Et j'ai l'impression qu'elle dit bad man quand même, hein, à la place bad name. Enfin bon, ouais. je voudrais pas en mettre une couche. Hein. Non, c'est déjà tellement massacré. Bah ouais. Donc faut dire aussi que le public l'encourage et c'est vraiment pas bien. Alors si vous avez pas trouvé la chanson qu'elle a détruite, hein, c'était Bon Jovi avec bad name. Voilà. Il fallait s'accrocher pour le savoir, effectivement. Donc voilà, comme quoi X Factor, finalement, ça a du bon, hein, ça nous permet de rigoler, quitte à pas trouver de nouveaux chanteurs. Au moins, on peut un peu rigoler. Mais c'est le principal, tu me diras. C'est le concept, hein. C'est pas ah ouais le, bah, tant mieux, alors. L'idée, c'est pas de trouver des gens qui chantent bien, hein, c'est de pouvoir se foutre de la gueule des gens qui D'accord. chantent super mal. Alors ça va, tout est bon, là, il n'y a pas de, de soucis. Mais... tout va bien. Bon, restez bien sur Fun Radio, il est 7h25. Dans quelques instants, c'est l'info de Julie. Et dans quelques instants également, nous ferons la nouvelle énigme de ce matin pour partir avec des écrans plats ou les packs Nintendo Wii. Et restez bien là, on va se réveiller aussi dans un instant avec DJ Fresh. DJ Fresh avec Loader sur Fun Radio, 7h26. Bon réveil tout le monde. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Yeah, it's a morning time affair. Shut it. Fun. À la radio. Fun Radio. Yeah. Yeah. 7h29 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est l'info qui arrive avec Julie. Et puis attention, nouvelle énigme que vous avez peut-être déjà entendue, c'est possible. On va la faire maintenant pour repartir avec un écran plat ou alors avec les packs Nintendo Wii, la console, les jeux et les manettes. On écoute ça maintenant, attention. Solide comme l'acier mais plus souple qu'une lame, je ne suis rien de plus que des trous liés à d'autres trous. Un jeu d'enfant, j'ai envie de dire. Un indice éventuellement à donner ? Prison. Vélo. prison, vélo, effectivement, moto également, hein, ça marche aussi, ça oui, aussi, c'est un peu plus gros, mais ça marche aussi. Donc solide comme l'acier, mais plus souple qu'une lame, je ne suis rien de plus que des trous liés à d'autres trous. Indice de Julie, prison, indice de Toff, vélo, le mien, bah moto, en fait, tout simplement. Hein. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, c'est 1€ le message, et on vous appelle dans bah, d'ici une grosse demi-heure pour peut-être vous filer votre écran plat pour débuter la semaine, ça peut être bien. Écran plat ou les packs Nintendo Wii, solide comme l'acier mais plus souple qu'une lame, je ne suis rien de plus que des trous liés à d'autres trous. Bonne chance tout le monde. On va passer à l'info maintenant avec Julie à 7h30. Salut Julie. Salut Mickaël, salut à tous. Si vous avez premier un cauchemar au standard, Anderlecht a tenu parole en 10e journée du championnat. Anderlecht a littéralement atomisé le standard 5-0. Le FC Bruges a battu lui la Gantoise 2-0. Anderlecht prend donc la place de leader dans le classement avec 23 points, suivi par le FC Bruges, ensuite la Gantoise. Le standard est 6e avec 15 points. Holding communal, le gouvernement wallon approuve l'accord trouvé entre chefs de cabinet. Le gouvernement wallon a donc à son tour approuvé hier soir l'accord trouvé dans l'après-midi entre experts représentant le gouvernement fédéral et les régions sur le sort à réserver au holding communal. Cet accord doit permettre d'assurer la capacité du holding de rencontrer ses besoins de liquidité jusqu'à la fin du mois de novembre et donner le temps au gouvernement fédéral et aux régions de mettre au point une solution structurelle, à savoir une liquidation ordonnée du holding. Un conseil d'administration du holding communal doit se tenir aujourd'hui à 10h. Chez nous, les 500 indignés ont passé une nuit de plus dans le parc du cinquantenaire à Bruxelles. Des contacts sont également en cours avec l'ULB pour un éventuel accueil. Des débats sont en cours parmi les indignés pour fixer la suite de leur action. Certains souhaitent entreprendre de nouvelles marches vers des villes européennes comme Berlin ou Athènes. Un détenu sur trois est en séjour illégal en Belgique. Fin juillet, cela concernait 3215 personnes sur un total de près de 11 000 détenus. Deux sur trois sont définitivement condamnés. 1021 sont par contre en détention préventive, les autres bénéficiant d'un autre statut. Et ces détenus sont originaires entre autres du Maroc, d'Algérie ou de Roumanie. Et puis aujourd'hui, c'est la journée de refus de la misère. Un Belge sur sept est confronté à la pauvreté chaque jour. Autrement dit, une personne sur sept dans notre pays éprouve des difficultés à se nourrir, se loger ou se vêtir. Et cette misère gagne du terrain. Le nombre de personnes ayant recours aux banques alimentaires a explosé en une décennie. Ils étaient 115 000 en 2008 contre seulement 70 000 en 1995. En France, c'est François Hollande qui représentera l'EPS aux élections présidentielles de 2012. Il a remporté les primaires socialistes avec 56,47% des voix face à Martine Aubry. Et puis enfin, Dominique Strauss-Kahn veut être entendu par la justice dans une affaire de proxénétisme concernant l'enquête sur une affaire de prostitution dans un grand hôtel lillois afin de mettre fin, je cite, à des insinuations malveillantes. Selon lui, le nom de DSK a été mentionné par plusieurs médias comme étant celui de l'un des clients de prostituées œuvrant au Carlton de Lille. Mais ils ne savaient pas que c'était des prostituées. Mais c'est ça, voilà. Non, DJ Fresh arrive dans un instant sur Fun Radio et nous passons à la météo. Journée pas trop mal, un petit peu une journée de transition aujourd'hui. Seuls quelques nuages viendront perturber le beau temps. Température cet après-midi de 13 à 17 degrés. Demain matin, retour de la merde. De la pluie. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est un peu le synonyme. Voilà, c'est un petit peu ça. Bah ouais, 7h33, c'est l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Et je vous rappellerai aussi la petite énigme dans quelques instants là. Bon, l'info en plus d'abord. Alors l'info en plus, c'est un petit peu dégueulasse. Ah bon, c'est quoi? Bah ouais, c'est-à-dire que nos GSM, ceux qu'on emploie tout le temps, qu'on a quasiment constamment dans nos mains, eh bien 1 sur 6 porte quand même des traces de matière fécale. Mais oui, mais c'est caca. Mais c'est normal, enfin c'est normal, non, c'est pas normal. Non, mais c'est pas normal. Mais non, mais le nombre de gens qui vont aux chiottes et qui se lavent pas les mains après, c'est normal qu'il y ait des dégueulasseries sur le téléphone et sur tout le reste. C'est effectivement ça le problème. Moi, c'est selon... je fais pire, je vais aux chiottes avec mon téléphone. Ouais. Oui, alors ça, je n'ose imaginer ce qu'on peut retrouver sur ton GSM. Ah bah, oh là là. Oh là là. Faut pas s'imaginer, t'inquiète. Il n'y aura pas que des matières fécales. Ah non, bah non. Ah non, non. Oh là là, non. Et bien, tout ce que je fais avec mon téléphone. Tu vas passer un coup de fil avec son portable? Non, non, ça va, je vais me débrouiller. Ah bon. En tout cas, ça vient d'une étude menée au Royaume-Uni. Eh bien, 95% des personnes interrogées dans le cadre donc de cette enquête ont affirmé qu'ils se lavaient les mains dès que possible. Et pourtant, 16% des mains et 16% des téléphones portables des participants portaient des traces de la bactérie E. coli. la bactérie présente dans les intestins et donc dans les matières fécales. C'est ce qu'ils disent. Ils font dès que possible, voilà. Alors, est-ce qu'il faut vous rappeler que cette fameuse bactérie E. coli a quand même tué 48 personnes en Allemagne en juin dernier. Donc, c'est une bactérie qu'on retrouve naturellement dans notre corps, donc dans les intestins, mais on n'est pas censé les manger. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, lavez-vous les mains parce que même votre GSM est dégueulasse. Exactement. C'est répugnant et surtout quand vous serrez une bonne poignée de main, là, on sait pas tout ce qui passe au travers, là. Ah, finalement, on va venir comme Monk, tu vois. C'est-à-dire que, hop, là, tu vas garder tes gants, tout le bordel, là. Mais le GSM, tu vois, enfin, on sait par exemple les claviers d'ordinateur, c'est dégueulasse aussi, tu trouves des trucs ignobles. Les billets de banque. Les billets de banque. Même ça, tu te doutes, tu sais que ça passe de main en main, mais ton GSM, tu peux pas t'imaginer qu'il y a du caca sur ton GSM. Ouais, j'avoue, effectivement. 7h30, bah, sur le mien, non, enfin. Bon, 7h35, c'est ça, ouais. 7h35 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Je vous rappelle la devinette qui colle. Solide comme l'acier, mais souple comme une lame. Je ne suis rien de plus que des trous liés à d'autres trous. On proposait un rayon, c'est une mauvaise réponse. Une chienne. Non, c'est pas ça, non. Ça te fait rire. Il est mort de rire. Il est mort. Un ressort, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Elle peut être également de télé ou de radio. Oui, c'est vrai. Voilà, on peut le dire aussi comme ça, exactement. Ouais. Si vous avez la bonne réponse, écran plat à gagner, écran plat ou alors le pack Nintendo Wii. Solide comme l'acier, mais plus souple qu'une lame. Je ne suis rien de plus que les trous liés à d'autres trous. Bonne chance tout le monde. On va s'écouter le son de DJ Fresh maintenant. Bon son pour le réveil, c'est avec Louder. Et puis on aura aussi Sébastien Loeb normalement en direct de Sclessin pour réveiller Sclessin. Il vaut mieux puisqu'hier ils étaient un peu dormis. Hein. Oui, Leur réaction, à mon avis, assez violent, je pense. Loeb en direct de Sclessin, c'est dans un instant sur Fun Radio, restez bien là. Et le son DJ Fresh à l'instant sur Fun Radio avec Louder, 7h39. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, on va s'écouter le son Niro aussi avec Promises. Nous aurons évidemment la ligne anti-relou, ce sera d'ici quelques instants. Et puis on parlera aussi de l'infotrafic. Mais avant cela, nous devrions avoir Loeb en direct de Sclessin, donc pour un petit Mickaël réveil de la Belgique. Allô Loeb. Allô Mickaël. Ah voilà, ça y est, t'es là, t'es en direct de Liège, Sclessin pour être précis. Oui, exactement. Bah, je suis justement devant un café, le petit standard. D'accord, très bien. La supérette Les Rouches, le café Le Standard qui n'est pas encore ouvert, lui, bien sûr, parce que bon, ils sont un petit peu tristes. Bah, forcément, ils sont trop fatigués. Ouais. Donc, on arrive dans la rue. D'accord. On arrive dans la rue principale du stade. Et alors, il y a plusieurs cafés ouverts déjà. Et alors, je vais un petit peu réveiller tout le monde. Donc, je fais quoi? Mickaël réveille Le Standard sur son radio ou quoi? Mickaël réveille Le Standard. Ouais, je pense qu'un petit chant de supporter, ça peut être pas mal. Faut savoir que Loeb est liégeois, certes, mais il est pour l'humour. Hein. Il va se faire atomiser. Ce mec est malade. Il faut l'interner. Voilà les bars autour, là, ils vont être contents à mon avis. Hein. Ah oui. À mon avis, le match retour, ça va être le bordel. Ouais, surtout si c'est le standard qui mène face à André, je pense qu'ils vont se venger, mais d'une violence. Cela dit, nous, on appellera André pour les emmerder. Hein. Nous, ça change rien à notre vie. Bien sûr. L'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Et ben voilà, Mickaël a réveillé Sclessin ce matin. De quoi? On peut même appeler les Brugeois et les autres aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais ce matin, on va se concentrer sur le standard. D'ailleurs, on appellera encore des gens d'ici quelques instants, là. Oui. Des Liégeois, bien sûr, afin de leur signaler au cas où, bien évidemment, qu'ils peuvent changer de club s'ils veulent. Bah, c'est surtout qu'ils trouvent un vrai club. Bah, bien sûr, voilà. Bon, Loeb, à tout de suite à la radio pour la déclaration express. Ce sera dans un peu moins d'une heure. Hein. Donc voilà. Bon, allez, à tout de suite. Et court, hein, à tout de suite, oui, plus vite que ça. 7h41 sur Fun Radio, je vous rappelle la devinette qui colle là, en speed, c'est parti, devinette qui colle, donc c'est la suivante, solide comme l'acier, mais plus souple qu'une lame. Je ne suis rien de plus que des trous liés à d'autres trous. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, c'est 1€ le message. On proposait un câble, non pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a aussi? On proposait où est-ce qu'il était la lame d'un rasoir, non pas du tout. Un câble, non plus, une chaîne, non plus. C'est pas celle-là, c'était le rayon non plus. Voilà, bon, je viens de donner la réponse. Si vous avez bien entendu, hein, n'hésitez pas. Comme un idiot. On hein. ne peut même pas relever parce que c'était voilà. très cool. 63-22, n'hésitez pas. Donc, oui, bah, ça arrive. Hein. On dit que ce n'est pas non plus, alors tu as donné la bonne réponse. Oui, oui, voilà, bah, c'est pour ça que j'ai dit pardon, c'est une mauvaise. Voilà, j'ai voilà, mal dit. Bon, bref. Passons aux choses. Hein. On fait comme si c'était rien passé là. Il y a des écrans plats à gagner au 63-22 si vous avez entendu la bonne réponse que je viens de donner bêtement. Il y a Niro qui arrive avec Promises sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Hystérica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. C'est Fun Radio, bienvenue tout le monde, 7h46. On va parler maintenant des problèmes qu'il y a sur la route. Alors j'ai deux bonnes nouvelles concernant le véhicule qui était en panne sur le 411 Luxembourg-Namur-Bruxelles, à hauteur de Bierge, donc en direction de Bruxelles. La chaussée est libérée. Chaussée libérée aussi concernant l'accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grand-Bigard. Par contre, camion en panne sur le 313 Anvers en direction de Hassel. Hasselt, c'est à hauteur de Robodonk, d'accord, ok. Oui, oui, oui. Ah bah là comme ça on est mieux. Ça te dit quelque chose. Ah bah là tout de suite, ouais. Tout de suite on sait directement où ça se passe. Tout, c'est bien. 7h47 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Si vous êtes témoin d'un problème sur les routes, hein, n'hésitez pas d'ailleurs à venir nous en parler évidemment. 30 44 50 centimes le message, comme ça ça permettra à tous les auditeurs de Fun de ne pas d'aller oui, c'est ça, d'aller dans la mauvaise direction qui est remplie de bouchons où il y a un radar. Et puis c'est la solidarité de Fun Radio. Voilà, 30 44 par SMS ou alors mikael@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Voilà, Fun Radio, la ligne anti-relou. C'est chaque matin sur Fun Radio à 7h-, 8h-, et 9h-. Un message de Mélissa de Liège qui dit coucou à vous. J'ai vu l'op ce matin à Sclessin en allant travailler. C'est génial ce que vous faites. Un gros bisou et continuez comme ça. La réponse c'est voilà, très bien, très bien. Un gros bisou à mon amoureux. Il n'y a pas de problème, Mélissa de Liège. Elle a vu l'op, donc habillé en lapin ce matin. Oh, je sais pas si t'es habillé en lapin, j'ai oublié de lui demander. Je suis pas certaine qu'il avait Franfreluche. Ah, je sais pas. Dommage. Bah oui, c'est dommage, ouais. Bon, enfin bon. Bon, allez, on va s'écouter maintenant les messages laissés sur le répondeur, la ligne anti-relou ce week-end. Évidemment, comme chaque week-end, ça cartonne pas mal. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé des messages sur la ligne anti-relou. Le 0473 86 00 13. Donc ça veut dire que bah forcément vous avez été bien emmerdés les filles par des gros relous ce week-end. Eh oui, comme chaque week-end, ils sortent. Mais oui, sinon il aurait pas été blindé le répondeur justement. Allez, on écoute ça maintenant, c'est parti. Summer Simpson, rappelle-moi, c'est ta teuf. Oh putain. C'est l'aube ? Non, non, c'est pas l'aube, non. C'est très dur ça. Si c'était l'homme. Ah ouais, parce que appeler sur rien anti-relou, parce que le mec, je sais pas s'il est au courant ou pas, mais c'est-à-dire que s'il appelle et qu'il essaye de draguer sa meuf en disant coucou, c'est Homer Simpson, c'est avec une mauvaise imitation arriver, en plus. Je pense que c'est mort-né. Déjà si tu veux là maintenant, c'est déjà tendu, mais alors en plus avec cette imitation pourrie, là je crois que c'est pire. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin, c'est parti, écoutez. Salut Biatch. Voilà, tu m'as mis une boîte donc Biatch, voilà. Biatch. Voilà, il est content, il a passé sa, il a passé son petit message, il est content. Là maintenant, il a dit Biatch plusieurs fois parce qu'il s'est pris une tôle. Donc voilà, salut Biatch, allez. Super. Au revoir Biatch. Voilà, il est vénère, content. Il est vénère. Ah ben il est vénère, au lieu non, mais de garder sûr. La tête haute. Exactement, de ne pas rappeler en disant de toute façon, voilà, elle sait pas ce qu'elle perd. Non, non, elle appelle pour dire Biatch. Bon, allez, dernier message pour ce matin, on écoute. Oui, bonjour monsieur, je vous téléphone parce qu'au fait, je suis passé à votre commerce hier dans la matinée. Et la vendeuse m'a donné gentiment votre numéro de GSM personnel. Donc je vous contactais pour voir s'il y aurait moyen d'avoir un rendez-vous ou de s'arranger pour que je repasse ou quoi. Si vous pouvez me recontacter au numéro que je vous ai laissé hier, ce serait très gentil de votre part. Merci. Ouais, donc le numéro de la ligne anti-relou peut servir également pour, pour les représentants qui passent en général emmerder les commerçants qui ont autre chose à foutre. Que oui, bonjour, je vais vous proposer le produit miracle. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Et alors t'es parti pendant une heure, hein, tu peux pas le foutre dehors, c'est une tanasse. Donc ça peut servir aussi, cela dit, hein, c'est un relou. Oui, la ligne anti-relou, ça marche. Bon relou, hein. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Voilà, si vous voulez vous aussi retenir ce numéro, bien sûr, pour pouvoir l'utiliser à tout moment, 0473 86 00 13. Bonne chance tout le monde. Et puis on va se refaire un petit coup de la petite énigme de ce matin là, vite fait, hein. Solide comme l'acier mais plus souple qu'une lame, je ne suis rien de plus que les trous liés à d'autres trous. Ce n'est pas un rayon comme on l'a proposé, ce n'est pas encore une fois rayon, merci Mickaël, de rien, un cadenas, ce n'est pas ça non plus, ce n'est pas ça, c'est la lame de rasoir non plus. J'ai donné la réponse comme un idiot tout à l'heure, hein, donc si vous avez été là il y a 10 minutes, normalement vous devriez connaître cette réponse. Dans un instant, on appelle encore une fois des Liégeois pour leur signaler qu'ils peuvent changer de groupe, de club. De groupe. Ils peuvent changer de club. Ah, les Liégeois, bah oui, ils sont attachés au standard. Bah oui, mais après 5-0, si tu veux, c'est dur, quoi. Donc on va les appeler. Ils ont vécu des choses bien pires. C'est vrai. Ils se relèveront. On va les appeler pour leur dire qu'effectivement, c'est une défaite. On va écouter le son de Niro maintenant sur Fun Radio avec Promises à 7h51. Bon réveil tout le monde. Et si vous avez la réponse à la devinette qui colle, donc écran plat ou pack Nintendo Wii à gagner. 63-22, 1€ le message pour envoyer vos réponses. Bonne chance et bonne matinée. 7h54 sur Fun Radio, soyez bienvenus, c'est Mickaël à la radio, c'est lundi aujourd'hui le 17 octobre et on est là jusqu'à 9h30 avec quelqu'un maintenant, comment s'appelle-t-il pour l'iPhone 4S peut-être en tout cas, bonjour Didier. Didier, bonjour Didier, comment ça va? Ça va et vous? Mais ça va bien aussi, tranquille, hein. Didier, t'appelles d'où? De Couillet près de Charleroi. De Couillet près de Charleroi, très bien. 103.5 pour écouter Fun Radio à Couillet, évidemment. Bon, alors, à 7h54, tu as peut-être la réponse pour l'iPhone 4S. En tout cas, tu as donné tes réponses à Toff. Et Toff, quelles sont les réponses? Tu me dis si on se trompe. Hein. Alors, Didier nous a proposé Rihanna. Enfin, tu peux le dire hein, si tu veux, hein, ah. Didier. Hein. Oh, ben, j'avais proposé Rihanna. Ouais. Trilette. Ouais. Et Gilbert Montagné. Eh bien, hier soir, on a terminé l'émission avec deux bonnes réponses sur trois. Je n'ai pas dit lesquelles étaient bonnes, lesquelles étaient mauvaises. Et là, il y a toujours, malheureusement pour toi, deux bonnes réponses, mais dont une nouvelle. Ce qui veut dire, si vous avez écouté l'émission hier soir, en fait, on peut avoir les trois, là. Et l'émission ce matin, voilà, effectivement, normalement, il y a trois bonnes réponses, là. Donc, suffit d'arriver à les remettre dans le même. Mais bon, là, malheureusement, Didier, c'est perdu parce que tu n'as que deux bonnes réponses. Tu vas quand même repartir avec des places de ciné, hein. Comme ça, c'est plié, hein. Tu vois, sympa. Ouais, c'est sympa. Bah oui, bah écoute, y a pas de problème. Au moins, tu seras pas venu pour rien, Didier, comme ça, hein. En plus, c'est bien cher le ciné, hein. 20€ si on vole à deux. Quasiment, oui. Là, bien cher, quand même, maintenant. Hein. Bon, bah écoute, Didier, tu reviens quand tu veux, en tout cas, y a pas de problème. Ok. Salut Didier, passe une bonne journée à Couillet, à bientôt. À ce soir. Allez, ce soir pour la libre antenne, ouais, tout à fait. Ciao. Et puis si vous avez pas d'imagination, enfin si vous n'avez pas encore pu entendre et que vous avez peut-être de l'imagination, ou peut-être que vous êtes doué en musique et que vous avez tout écouté, donc vous arrivez à tout remettre dans l'ordre. Écoutez, c'est le Mad Mix, c'est les trois titres à découvrir pour repartir avec l'iPhone 4S. Allez, je vous le remets. Facile. Et voilà, la bonne réponse au 63-22 en débutant votre message par iPhone avec les trois réponses puisqu'on cherche trois titres qui sont planqués dans le Mad Mix. Bonne chance tout le monde. Et nous allons maintenant appeler du côté d'Herstal puisque forcément, vous le savez, hein, le standard a perdu hier soir, hein, 5-0 face à Anderlecht. Oui, les pauvres. Mais oui, on va donc rappeler. Mais oui, on va donc rappeler à Liège. Et oui, on va les réveiller de cette manière, c'est bien. Hein. C'est ça, c'est un score de défaite de comment c'est violent, c'est même plus une défaite là, hein. C'est une correction, hein. Même pas, c'est 3-0, ils auraient mieux fait de pas venir, hein. Non, forfait c'est 5-0. Ah non, 3. C'est 3 maintenant. Ah oui, forfait c'est 3-0, ouais. Donc ils auraient mieux fait de pas venir, ils auraient perdu moins de points. Je croyais que c'était 5 moi un forfait. Non, mais je pense non. Que c'est 5. Hein. Ah moi il me semble que c'est 3, mais après je peux me tromper. On va vérifier, mais il me semble que c'est 5. Bah dites-nous si vous connaissez en foot là, est-ce que c'est 3-0 ou 5-0 un score de forfait, oui. Vous nous dites, hein, 30-44. Si c'est 3-0, c'était vraiment pas la peine de venir. Ah bah oui, je te confirme, c'est clair. Ouais, voilà. Donc on appelle où? On va appeler à Herstal, mais où ça? Tu sais déjà, papa? Pas moi, on appelle à Herstal. Eh ben on appelle à Herstal, alors c'est parti. On y va. Alors attention, direction Herstal maintenant, c'est parti, on compose et ça ne sonne pas. Téléphone pas. Ah si, voilà, ça y est. Alors. Il y en aura Lee qui dit aussi après. Ouais, pas gagné. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Ouais. Oui, bonjour, ici les supporters anonymes. Hein? Oui, ce sont les supporters anonymes, monsieur, à l'appareil. Eh ben, ça a été rapide en même temps. C'est assez, oui, voilà. Ça a été très rapide. C'est pas Herstal, c'est sur Mars. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, allez, on rappelle. Non, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, je pense que. Alors. Oui, excusez-moi, nous avons été coupés. Ouais. Oui, bonjour. Voilà. En fait, je vous appelle comme bon le standard s'est un peu fait déglinguer hier à Anderlecht. Moi, c'est la Préal. Je ne comprends pas. C'est de stylo. Qu'est-ce que vous dites? Mais que je m'en fous la main, vous êtes bien se réveiller les gens, c'est tout le monde. Oui, mais encore. Je crois qu'il faut qu'on rappelle, faut qu'on rappelle. J'ai pas tout compris de ce qu'il a voulu dire. J'ai compris Bies. Il faut qu'on, ouais. faut qu'on comprenne la langue qu'il nous parle. Ouais. Mais c'est à peu près du belge. Hein, écoute, parce je ne sais pas. Bies. Je ne sais pas, mais on rappelle. Hein, comptez sur nous. Belgicisme, hein, Bies. Bien sûr. Ouais. Excusez-moi, mais quelle langue parlez-vous? Moi, je suis italienne. Oui. Vous êtes. Et vous, qui êtes-vous? Quelle langue vous parlez? Mais vous parlez de standard, que je m'en fous de le standard, moi. Ah, mais vous parlez français? Oui. Ah, mais oui, ben, je fallait me le dire dès le début. C'était pas évident. Ah, oui, donc. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, je voulais vous proposer de supporter une équipe qui gagne. Ben, je m'en fous, moi. Oh, elle était gentille, la petite vieille. Elle était gentille, tu l'as fait chier. Heureusement, elle s'est tout. J'imagine en plus, tu vois vraiment. Mais ouais, c'est ça. Célébrer ouais. par les standards, mais les ouais. m'en fous. Bon, on appellera d'autres personnes. Si vous connaissez d'autres personnes qui sont. Elle a quand même failli décéder sur place. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Si vous connaissez d'autres personnes qui sont fans du standard, justement, qu'on pourra appeler pour un petit peu les chauffer ce matin, là. 3044, vous le dites, n'hésitez pas. Dans un instant, c'est l'Ikili sur Fun Radio. Avec I Follow Rivers, on vous rembourse vos factures également dans 10 minutes. 63-22, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Soprano, vous écoutez Mickaël à la radio. Justement, Mickaël, vu que tu fais le séducteur là au micro, c'est bizarre que tu es entouré que d'hommes dans ton équipe là. C'est un peu bizarre, hein. Merci. Ça fera plaisir à Julie, tiens. À la radio. Et à 8h01 sur Fun Radio, soyez tous les bienvenus. Dans un instant, nous allons rembourser vos factures, mais avant cela, on passe à l'info. Salut à tous, on débute ce journal par le sport. Ils avaient promis un cauchemar au standard. Anderlecht a tenu parole en 10e journée de championnat. Anderlecht a littéralement atomisé le standard 5-0. Le FC Bruges a battu, lui, la Gantoise 2-0. Anderlecht prend donc la place de leader dans le classement avec 23 points, suivi par le FC Bruges. Ensuite, la Gantoise, le standard est 6e avec 15 points. Holding communal. Le gouvernement wallon approuve l'accord trouvé entre chefs de cabinet. Le gouvernement wallon a donc à son tour approuvé hier soir l'accord trouvé dans l'après-midi entre experts représentant le gouvernement fédéral et les régions. Cet accord doit permettre d'assurer la capacité du holding de rencontrer ses besoins de liquidité jusqu'à la fin du mois de novembre et donner le temps au gouvernement et aux régions de mettre au point une solution, à savoir une liquidation ordonnée du holding. Un conseil d'administration du holding communal doit se tenir aujourd'hui à 10h. Chez nous, les 500 indignés ont passé une nuit de plus dans le parc du cinquantenaire à Bruxelles. Et des contacts sont également en cours avec l'ULB pour un accueil éventuel. Et des débats sont en cours parmi les indignés pour fixer la suite de leur action. Certains souhaitent entreprendre de nouvelles marches vers des villes européennes comme Berlin ou Athènes. Un détenu sur trois est en séjour illégal en Belgique fin juillet. Cela concernait 3215 personnes sur un total de près de 11 000 détenus. 2 sur 3 sont définitivement condamnés. Un peu plus de 1000 sont par contre en détention préventive. Les autres bénéficient d'un autre statut. Ces détenus sont originaires, entre autres, du Maroc, d'Algérie ou de Roumanie. Et puis aujourd'hui, 17 octobre, c'est la journée du refus de la misère. Un Belge sur 7 est confronté à la pauvreté chaque jour. Autrement dit, une personne sur 7 dans notre pays éprouve des difficultés à se nourrir, se loger ou se vêtir. Et cette misère gagne du terrain. Le nombre de personnes ayant recours aux banques alimentaires a explosé en une décennie. Ils étaient 70 000 en 1995. Ils étaient 115 000. En 2008. En France, c'est François Hollande qui représentera l'EPS aux élections présidentielles de 2012. Hier soir, il a remporté les primaires socialistes au second tour avec 56,47% des voix face à Martine Aubry. Et puis enfin, Dominique Strauss-Kahn veut être entendu par la justice dans une affaire de proxénétisme concernant l'enquête sur une affaire de prostitution dans un grand hôtel lillois afin de mettre fin, je cite, à des insinuations malveillantes. Selon lui, le nom de DSK a été mentionné par plusieurs médias comme étant celui de l'un des clients de prostituées œuvrant au Carlton de Lille. Il est 8h03 sur Fun Radio. Bonne matinée. Dans un instant, on vous rembourse vos factures au 6322 code facture. Et on écoute Likili aussi avec I Follow Reverse. Mais d'abord, c'est la météo. Un petit peu une journée de transition aujourd'hui. Beau temps ce week-end et pluie demain. Donc aujourd'hui, quelques nuages qui viendront perturber la journée. Température de 13 à 17 degrés cet après-midi. Et puis, comme je viens de l'annoncer, demain matin, retour de la pluie. Eh ben génial. 8h04 sur Fun Radio. Restez bien là puisque dans 30 secondes, ce sera l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Et à 8h04 sur Fun Radio, l'info en plus. Eh bien, aux États-Unis, les super-héros n'existent pas seulement dans les BD ou dans les films, mais aussi dans en la vrai. Réalité. Mais oui, c'est normal. Il y a bien qu'aux US que ça se passe, ça. Eh bien oui, Phoenix Jones est un super-héros ordinaire, car il est comme... comme vous et moi. Oui, c'est ça, exactement. Il s'appelle Ben Fodor. Eh bien, Ben, ça fait un an qu'il patrouille costumé, donc en super-héros Phoenix Jones, et masqué dans les rues de Seattle, dans l'état de Washington. Et malheureusement, il a comparu jeudi dernier pour une présumée agression au spray au poivre. En fait, il a été arrêté. C'est le héros en carton, quoi. C'est un petit peu. C'est le héros qui a des moyens pour se défendre, plutôt gentil. Il sort pas une arme, il sort un spray au poivre. Ouais. En fait, il avait voulu s'imposer dans une bagarre à la sortie d'un nightclub. Il a sorti son spray au poivre. Malheureusement, il a été arrêté par la police et cette soudaine médiatisation l'a forcé à sortir de l'anonymat, évidemment, puisqu'il s'est présenté au tribunal masqué. Avec son bien costume sûr. De Phoenix Jones. Le juge n'a pas trouvé ça drôle. Voilà, exactement. Le juge lui a demandé de se démasquer. Donc, Phoenix Jones a montré sa véritable identité. Ce fameux Ben Fodor, qui est comme vous et moi, mais qui a décidé qu'il allait sauver le monde de l'injustice. Mais oui, mais avec un spray à poivre. Voilà, un spray au poivre. Et donc, ça fait un an qu'il parcourt les rues de son quartier, comme ça, et qu'il combat l'injustice. Malheureusement, oui, il a été arrêté. Mais je pense qu'il va quand même continuer son combat. Ah oui, je pense jusqu'à ce qu'il se refasse arrêter nouveau. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Ouais, Phoenix Jones, on est tous avec toi. Mais oui, Phoenix, vas-y Phoenix, n'hésite pas à venir aussi nettoyer Bruxelles, nettoyer la Belgique. Ah oui, il y a de quoi faire. On t'attend, Phoenix. Bon, on écoute Likili maintenant sur Fun avec I Follow Reverse. Et je vous rappelle la devinette qui colle, on donne la réponse dans un instant. Solide comme l'acier, mais plus souple qu'une lame, je ne suis rien de plus que les trous liés à d'autres trous. On peut également l'appeler une de télé ou une de radio. Bonne chance, 6322. Le son de Likili sur Fun Radio, c'était I Follow Rivers. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle. Il y aura l'horoscope aussi de Doudou, bien sûr, comme chaque matin. Et puis, on va payer les factures maintenant. Bah oui, allez, c'est parti. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Et oui, chaque matin sur Fun Radio, 7h10, 8h10 et 9h10, on appelle en direct pour vous offrir la possibilité de rembourser cette facture justement. Facture à rembourser, il y en a pas mal qui sont arrivés, des factures justement depuis tout à l'heure. 6322 code facture, là il y avait 100 euros pour une amende, 40 euros pour l'électricité. On va rembourser combien là d'ailleurs, Tof? Nous allons rembourser 55 euros. 55 euros, d'accord, ok, très bien. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Oupla. Oupla. Eh oui. Ah voilà. J'ai eu une petite... Non, tu apprends toujours Oupla. Te servir dans tes deux mains. Allô? Oui, allô? Ouais. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? Ah, ben c'est Mickaël. Oui, évidemment. Tu entends ce ton à chaque fois aigri que j'ai quand je les appelle? C'est un peu agressif pour essayer qu'ils me raccrochent au nez en disant bon, on va économiser un peu d'argent. T'essayes. Ça marche pas. Ah, ça marche jamais, c'est pas bizarre. Bon, salut, comment tu t'appelles? Eh ben, DJ, on va te rembourser ta facture de combien, tu m'as dit? 55 euros. 55 euros, c'est pour payer quoi? C'est des livres d'Astérix que j'ai achetés dans un magasin de livres de vente par correspondance. Attends, mais acheté quand même quelques-uns alors. Ah ouais. Pourquoi? Mais t'es collectionneur ou c'est comme ça? Disons que j'aime bien, je collectionne pas tout, mais ça j'aime bien, les prix sont intéressants. D'accord, ok. Eh ben écoute, facture de 55 euros qu'on va te rembourser, t'auras eu les livres gratuits, comme ça c'est bien. Ah ben c'est gentil, Michel. Eh ben je t'en prie avec plaisir, Didier. On est dans quelle ville là, Didier? Ben, comme tout à l'heure, à Couillet. À Couillet, encore? Ah, c'est le même? Ah oui. Ah d'accord. Eh ben écoute, comme t'as perdu tout à l'heure, finalement t'as gagné maintenant, c'est une bonne chose, hein. Didier, voilà. Eh ben voilà, tu vois, tu restes au standard, Didier. Pourquoi puis le on va... hasard fait bien les choses. Bah oui, pour le coup, c'est vraiment le pifomètre, hein. Parce qu'en plus c'est même pas le même SMS, donc c'est vraiment le hasard. Eh ben écoute, Didier, tu restes au standard, on prend tes coordonnées pour te rembourser ta facture, d'accord? Ça va, ok, nickel. Salut Didier, à bientôt. Salut. Salut, à ce soir. Ciao, bye bye. Bye. À ce soir pour la Libre Antenne, exactement. Oui, puisqu'on sera là en direct à partir de 20h sur Fun Radio pour une nouvelle édition de la Libre Antenne, puisque Vince est malheureusement en vacances. Je dis malheureusement, oui, pas pour lui, mais pour nous. Ouais. Dire, malheureusement décédé. Ah ouais, non, il est en vacances forcées. Hein, oui. Faut préciser qu'il est à Lantin. Hein. Oui. Bon, allez, on écoute Overphonic maintenant. Petit souvenir, Made in Belgium en plus, ça fait plaisir. Et le titre, c'est Made About You. On va dans un instant faire l'horoscope et nous donnerons également la réponse à la devinette qui colle. On essaiera, on va encore jouer d'ailleurs avant 9h au jeu du Mad Mix pour repartir avec l'iPhone 4S. Bonne chance tout le monde, il est 8h12, bon courage, c'est lundi aujourd'hui. C'est le 17 octobre et c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Overphonic sur Fun Radio, 100% belge. Et en plus, il est bien foutu le morceau Made About You. 8h15, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Comment toi? Non, je disais la meuf aussi. Oui, bah c'est plus la même chanteuse. Hein. Non, je sais, mais celle de Made About You, elle était putain. Elle était ah ouais. Cake. Cake, elle avait un nom de merde, par contre. Hein, ouais, enfin, bon. Qu'est-ce qu'elle était bonne. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle avait un nom pas terrible là quand mais même. C'est la guerre, hein, ses anciens membres du groupe. Hein. Bah ouais, bah, comme d'habitude, moi, je suis prêt à lui faire l'amour. Ouais, on a compris. Bien, bon, allez, avant l'horoscope, dans un instant, nous avons Mag qui est avec nous. Magali, 33 ans. Salut Magali. Salut, ça va? Ouais, salut Magali. Ça va bien Magali? J'entends rien du tout. Ah, ouais, c'est... forcément, si l'autre hurle dans le micro, c'est possible. Tu nous entends mieux là? Voilà, ça va, c'est super. Ah, pourtant, je n'ai rien changé. Hein. Bon, bah, très bien. Alors Magali, j'ai appris que tu n'étais pas célibataire, puisque Toff, bien évidemment, quand il sélectionne les gens, il fait oui Magali, tu es célibataire. Et donc là, comme il a dit, je suis très déçu, j'en déduis que tu n'es pas célibataire. Ben voilà, ou que tu aimes les femmes qui aiment les femmes. Pas célibataire. Ah mais y a pas de mal, hein, au contraire, y a pas de soucis Magali, t'inquiète pas. C'est très mal, c'est très mal. D'ailleurs je ne t'aiderai pas. C'est pas une maladie, donc. Voilà. Ah non, pas du tout, non. Bon alors Magali, la bonne réponse à la devinette qui colle, solide comme l'acier, mais plus souple qu'une lame, je ne suis rien de plus que des trous liés à d'autres trous. Quelle est la réponse, Mag? Une chaîne. Eh oui, une chaîne, oui, une côte de maille, c'était bon aussi, mais personne n'a proposé, c'est dommage. Bon, voilà. Eh ben écoute, bravo à toi, tu repars avec soit l'écran plat, soit le pack Nintendo. Oui, tu choisis quoi? Tu choisiras l'écran plat. Allez, c'est parti, on va te repasser au standard et bah, tu. Je t'enverrai donc une oui. Et tu géreras ça. Salut, gros bisous Magali, à bientôt. Bonne journée. Ciao, toi aussi, à bientôt. Et puis 8h17 sur Fun Radio, c'est l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Et l'horoscope, c'est avec Doudou. Tiens, vous avez entendu parler de cette psy en Angleterre, Doudou? Ah non, pas du tout, qu'est-ce qu'il lui a? Oui, bah alors. En fait, elle avait une thérapie un peu particulière qui consistait à coucher avec ses patients. Ah voilà, j'ai voulu vous en parler, je savais que vous alliez rebondir dessus. Ah, c'est intéressant ça, Julie, tu veux pas me parler de ton enfance? Oui, mais non, bah non. Non, et en plus, elle demandait quand même 4000 euros pour une thérapie complète. Hein. Qu'est-ce que vous entendez par quoi, là, pas thérapie complète? Écoutez, je sais pas, vous lui demanderez. Hein. C'est les couples qui ont des problèmes au lit, en fait. Ah, bah oui, c'est ça. Elle montrait un petit peu comment s'y prendre. Ah, bah oui, c'est ça, c'était le mode d'emploi humain. Ouais. Ah, bah d'accord, y a pas de problème, pour 4000 euros, moi je vais vous faire la totale. Hein. Même 2000, hein, vous faites des promotions. Hein. Oh là là, allez, 50% pour lancer l'affaire. Voilà, c'est ça. Allez, les béliers, on va commencer par eux, comme d'habitude. Oui, battez-vous avec détermination et le succès à y voir. Les taureaux. Soyez réceptifs aux besoins de votre partenaire. Les gémeaux. Une embûche sur votre chemin ne va pas vous arrêter quand même. Bah je sais pas, les cancers. Aujourd'hui vous êtes imbattable. Une bonne idée vous apportera un succès professionnel. Les lions. Une fois de plus, vous ferez l'expérience, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Les vierges. Votre ambition malsaine pourrait vous causer des problèmes. Les balances. Avec de la diplomatie, vous continuerez à avoir du succès. Les scorpions. C'est bien de s'engager pour les autres, mais veillez à ce que votre serviabilité ne soit pas exploitée. Les sagittaires. Il faut parfois bien faire la différence entre vos amis et vos adversaires. Les capricornes. Demandez conseil à votre partenaire. À deux, on voit mieux les choses. Les verseaux. Ne jouez pas des jeux de hasard ou ne vous engagez pas dans des spéculations. Ce n'est pas le jour, il faut pas aujourd'hui. Bon, et les poissons pour finir? C'est un bon jour pour en finir avec des disputes de famille. Bon, très bien, Doudou, on vous retrouve dans une heure. Mais oui, d'accord, avec plaisir, je serai là. Et dans un instant, la déclaration express avec Sébastien Loeb, bien évidemment. Et avant cela, on va s'écouter maintenant le son de Florida sur Fun Radio avec Good Feeling. Bonne matinée, 8h19. Dans un instant, la petite nouvelle énigme de ce matin et on vous filera encore l'iPhone 4S avant 9h du matin. Florida sur Fun Radio avec Good Feeling. Il est 8h23. Bon réveil tout le monde. On vous remboursera vos factures encore une dernière fois. C'est tombé deux fois ce matin déjà. C'est plutôt une bonne nouvelle. On vous remboursera d'ici une grosse demi-heure. Si vous voulez vous inscrire, ben reste 30 minutes ce matin pour vous inscrire. 6322. Vous débutez votre message tout simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, facture 50 euros pour l'école, 40 euros d'électricité. Qu'est-ce qu'il y a également? Facture de 100 euros pour la redevance télé, 410 euros pour un terrarium. Ah oui, quand même. Hein. Oui, un beau terrarium. Mais est-ce qu'il y avait le serpent compris dedans? Ah, ça, je ne sais pas. J'espère pour le prix, en tout cas. Sa femme. Bon, en tout cas, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, c'est à 9h que ça se passe. 63-22, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en débutant votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et nous avons Jean-Mi qui est avec nous maintenant. Salut Jean-Mi. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Bon, ben bienvenue à toi, Jean-Mi. Jean-Mi est très calme. Oui, très très calme, Jean-Mi, qui appelle pour la déclaration express. Et on va faire une déclaration express à qui, Jean-Mi? Ben voilà, en fait, je voulais faire une déclaration express à mon fratelle. À qui? Mon frère de cœur, en fait. Oh. Ah, comme c'est mignon. Son frère de cœur. Voilà. D'accord, et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Kevin. Eh ben, là, Kevin, alors, on va appeler Kevin, alors il n'y a pas de problème. On appelle donc, Kevin. Et si je peux ajouter un petit mot. Vas-y. Voilà, en fait, je viens d'emménager, j'ai quitté ma maman, donc maintenant je suis dans un appartement. Et donc je voulais l'inviter à manger parce que il avait des problèmes de transit, donc je voulais faire une déclaration express en fait pour un peu me foutre de lui. Donc. D'accord, à base de transit, bien sûr. Voilà. Bah écoute, on va voir ça. Bon allez, c'est parti, on y va, on appelle Kevin maintenant. On compose et j'espère qu'il va décrocher. S'il décroche pas, bien sûr, on laisse un message sur le répondeur. Et quoi qu'il en soit, tu dis voilà, j'avais un truc à te demander. Et écoute, et puis nous on enchaîne, d'accord? D'accord, ok. Allez, c'est parti, à 8h25, on y va, on appelle. Bon. Allô? Allô? Allô, Kevin? Ouais. C'est Jean-Mi ici. Ça va? Ça va. Ouais, ça va et toi? Et voilà. Ouais, ça va. Ben, écoute, j'ai pas trop le temps. J'ai quelque chose à te faire écouter. D'accord? Ok, écoute ça. Bien. J'ai mis de l'ail dans les spaghettis, mais par contre, j'ai omis mettre un sucre dans. Alors n'oublie pas ton malox. Si tu vomis, ça sera vraiment gore. Mon ami, si tu quiches tes morts, je deviendrai fou. Si tu remets tes Eh ben, déclaration un peu originale, on va dire, cette fois-ci. C'est pas une déclaration d'amour, c'est une déclaration d'invitation à manger. Voilà. Ça donne faim. Oui. Mais oui, ça donne envie d'un petit spaghetti, tiens. Bon, Kevin, ben voilà. Oui. Donc, Jean-Mi voulait te faire une petite invitation à manger. En général, on refuse pas quand c'est de la bouffe gratuite, hein. Ouais, ça va. Bah voilà. C'est original, donc. Bah écoute, mais ça, voilà, c'est sûr, ça. Pour être original. Ah, c'est original. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Bah voilà, Kevin et Jean-Mi, bah passez une bonne journée et puis bah bon appétit. Vous nous enverrez. Ouais. N'hésitez pas à nous inviter aussi. Nous, on vient, hein, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Attendez, vous parlez tous les deux en même temps. Je n'ai rien compris. Qu'est-ce que vous disiez? Allez, Jean-Mi. Vas-y, Jean-Mi. Voilà, donc je voulais dire que vous pouvez venir quand vous voulez. Vous êtes bienvenue. Eh okay, bah écoute, merci. Julie, d'accord, pas de problème, on va venir avec elle, hein. Ah oui, non, avec grand plaisir. Eh bah écoute, avec plaisir. Avec et toi, Julie tu aussi, hein. Bah bien, bah, évidemment. Bah, oui, bah évidemment, on n'allait pas la mettre sur le côté, t'inquiète pas, va. Et toi, Kevin, tu voulais dire? Bah je disais que j'étais crevé, que je me levais si tôt parce que j'avais écouté la libre antenne hier soir. Ah bon, on a le même problème alors. Tu as donc profité de Mickaël et toi, exactement. En mode libre antenne. Et bon, on sera de retour d'ailleurs dès ce soir, hein, pour la libre antenne à partir de 20h sur Fun, voilà, comme ça vous savez tout. Bon, bah merci Kevin, salut Jean-Mi, à bientôt tous les deux. Au revoir. Ciao à vous, bye bye. Et puis dans un instant, on va se faire l'info évidemment avec Julie. Et puis pour repartir encore une fois pour la dernière fois ce matin avec des écrans plats ou pack Nintendo Wii, j'ai une petite devinette encore une fois. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare. Mais rassurez-vous, ce n'est pas à jamais évidemment. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare. Nous en avons tous, toutes et tous, deux. Ouais. Au niveau du visage, je n'en dis pas plus. Chez les filles, ça peut être aussi une option supplémentaire, mais enfin, on en parlera voilà, tout à l'heure. Je me doutais que tu allais en arriver. Si vous là, avez ouais. la bonne réponse, donc 63-22, il y a des écrans plats à gagner, écrans plats, ou alors les packs Nintendo Wii. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elles se séparent. Bonne chance, tout le monde. Et dans un instant sur Fun Radio, c'est Lady Gaga qu'on va écouter avec You and I. Et l'info Julie, bien évidemment, arrive juste après ça. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Sirica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. À la radio. 8h30 sur Fun Radio, c'est l'info maintenant avec July. Salut à tous, on débute ce journal avec le sport. Ils avaient promis un cauchemar au Standard. Anderlecht a tenu parole. En 10e journée de championnat, Anderlecht a littéralement atomisé le Standard 5-0. Le FC Bruges a battu la Gantoise 2-0. Anderlecht prend donc la place de leader dans le classement avec 23 points, suivi par Bruges, ensuite la Gantoise, le Standard est 6e avec 15 points. Holding communal, le gouvernement wallon a approuvé l'accord trouvé entre chefs de cabinet et cet accord doit permettre d'assurer la capacité du holding de rencontrer ses besoins de liquidité jusqu'à la fin du mois de novembre. Le holding serait dans la capacité de rembourser un emprunt de 5 millions d'euros et devrait pouvoir disposer donc de ce montant aujourd'hui. Au-delà de ce problème de liquidité, c'est la solvabilité et donc la pérennité du holding qui est en jeu. Un conseil d'administration du holding communal doit se tenir aujourd'hui à 10h. Chez nous, les 500 indignés ont passé une nuit de plus dans le parc du cinquantenaire à Bruxelles. Des contacts sont également en cours avec l'ULB pour un accueil éventuel. Des débats sont en cours parmi les indignés pour fixer la suite de leur action. Certains souhaitent entreprendre de nouvelles marches vers des villes européennes comme Berlin ou Athènes. Un détenu sur trois est en séjour illégal en Belgique fin juillet. Cela concernait 3215 personnes sur un total de près de 11 000 détenus. Deux sur trois sont définitivement condamnés. Un peu plus de 1000 sont par contre en détention préventive. Les autres bénéficient d'un autre statut, comme par exemple en tant qu'internés. Ces détenus sont originaires entre autres du Maroc, d'Algérie ou de Roumanie. Et puis aujourd'hui, c'est la journée du refus de la misère. Un Belge sur sept est confronté à la pauvreté chaque jour. Autrement dit, une personne sur sept dans notre pays éprouve des difficultés à se nourrir, se loger ou se vêtir. Et cette misère gagne du terrain. Le nombre de personnes ayant recours aux banques alimentaires a explosé en une décennie. Ils étaient 70 000 en 1995. Ils sont 115 000. Ils étaient 115 000 en 2008. En France, c'est François Hollande qui représentera le PS aux élections présidentielles de 2012. Et il a remporté le second tour des primaires socialistes avec 56,47% des voix face à Martine Aubry. Et puis enfin, Dominique Strauss-Kahn veut être entendu par la justice dans une affaire de proxénétisme concernant l'enquête sur une affaire de prostitution dans un grand hôtel lillois afin de mettre fin, je cite, à des insinuations malveillantes. Selon lui, le nom de DSK a été mentionné par plusieurs médias comme étant celui de l'un des clients de prostituées œuvrant au Carlton de Lille. Il est 8h33 sur Fun Radio. Dans un instant, je vous rappelle la petite énigme et on écoutera Lady Gaga aussi avec You and I. Et là, c'est la météo. C'est un petit peu une journée de transition aujourd'hui. Il a fait très beau ce week-end. Il y aura de la pluie demain. Donc aujourd'hui, il y a les nuages qui arrivent petit à petit pour perturber le beau temps. Température de 13 à 17 degrés. Dois-je rappeler ce que je viens de dire demain matin, le retour de la pluie? Ouais, ouais, super. Ouais. Bon, bah très bien. L'info en plus, c'est maintenant 8h34. Fun Radio. Fun Radio. Alors, cette info en plus, quelle est-elle? L'info en plus est un petit peu crade. Ah. Alors, on savait déjà que le clavier de nos ordinateurs était dégueulasse. On avait fait des prélèvements et on retrouvait des trucs juste abominables dessus. Donc, on vous rappelle qu'il faut laver régulièrement son clavier d'ordinateur. Bien entendu. Et là, maintenant, il faudrait un petit peu aussi désinfecter son GSM. Une étude au Royaume-Uni a montré qu'un GSM sur 6 porte des traces de matière fécale, donc en gros de caca. Bon appétit si vous prenez le petit-déj là. Ah oui, non mais là c'est comme là c'est sympa. Ah oui, c'est bon pour commencer la journée. Ah ça. Oui, grave. 95% des personnes qui avaient été interrogées avaient affirmé qu'elles se lavaient les mains dès que possible et pourtant 16% des mains et 16% des téléphones portables des participants portaient des traces de la bactérie E. coli, la fameuse bactérie que l'on retrouve dans nos intestins et donc dans nos caca, forcément. Bah, bah forcément hein. Alors dois-je rappeler que la bactérie E. coli avait quand même tué 48 personnes en Allemagne en juin dernier. Mais si les gens se lavaient aussi. Oui, si les gens se lavaient. Parce que bon, la bactérie E. coli, juste pour expliquer, elle est naturellement dans notre organisme et ça, tout va bien. Pas de problème. C'est juste que si après on la mange, ça, c'est un autre problème. Voilà, donc c'est-à-dire pas la peine de la remettre dedans. Elle est déjà dedans comme ça, c'est bon. Hein. Voilà, c'est bon. On en a déjà assez. Donc, si possible, lavez-vous les mains. C'est mieux, ouais. Et désinfectez vos GSM. Exactement aussi. Bon, bah très bien. 8h35 sur Fun Radio. L'info revient à 9h, bien évidemment. Et je vous renvoie le petit son là pour essayer de trouver le Mad Mix. Et Et si vous avez la bonne réponse, 6322 maintenant pour les inscriptions. Débutez votre message par iPhone. Et puis bah, vous laissez votre réponse. Quels sont les trois titres qui sont planqués dans le Mad Mix? C'est pour repartir avec le tout nouvel iPhone 4S. Je vous le remets parce que je suis trop bon, je sais. C'est facile. Voilà, bonne réponse au 63-22, allez-y. On a donné deux réponses hier soir, je n'ai pas dit lesquelles étaient bonnes. On a donné deux réponses ce matin, dont une qu'on n'avait pas donnée hier soir. Ce qui veut dire que là, les trois ont été données à l'antenne séparément, mais ont été données à l'antenne. Si vous êtes fidèle de Fun, vous devriez normalement trouver facilement 63-22. Débutez votre message par iPhone, I-P-H-O-N-E en un mot donc. Et vous aurez peut-être la chance de repartir avec l'iPhone 4S. Et on va écouter maintenant le son de Lady Gaga sur Fun Radio. C'est You and I, 8h36, bon réveil. Lady Gaga sur Fun Radio avec You and I. Il est 9h20. Bon réveil tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est lundi aujourd'hui, le 17 octobre. Profitez bien de cette journée puisque c'est une des dernières où le soleil devrait briller, en tout cas mitigé d'après ce que Julia dit. Hein. Bah oui, priori ça, en fait, mitigé. C'est un peu le oui. La entre transition, les deux, la transition voilà. Avant la pluie demain. Exactement. Bon, et je vous rappelle aussi la devinette qui colle là pour repartir avec les écrans plats ce matin, écrans plats ou alors les packs Nintendo Wii. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elles se séparent. Rassurez-vous, ce n'est pas une séparation ad vitam aeternam. Tout le monde en a deux. Niveau du visage, les filles évidemment peuvent avoir un service supplémentaire, mais un là, peu plus bas que le visage. Là, tu es en train de les utiliser d'ailleurs. Là, je suis en train de les utiliser pour parler. Tout à fait. Oui, ah, exactement. Et moi aussi, tiens là. Ah bah tiens. Là, je le fais. Là, tu sais plus. Ah là oui. Ah là oui. Ah là oui, voilà. Si vous avez la bonne réponse, ce n'est pas une boucle d'oreille, pas du tout. La bonne réponse au 6322, c'est 1€ le message et vous repartirez peut-être avec l'écran plat et l'écran plat ou le pack Nintendo Wii. Voilà, dans un instant on jouera également pour repartir avec l'iPhone 4S. On appellera encore une fois à Liège pour leur proposer de changer de club, hein, puisque le standard a perdu hier, donc on va un peu les chauffer avec ça. Et on va écouter aussi le son de Kate de Luna dans un instant. Proposer les cordes vocales, c'est pas ça, hein. Parce que les filles n'en ont pas au niveau de la ceinture, hein. Enfin, un peu plus bas que la ceinture. Hein. À moins qu'elles parlent avec ça, c'est possible, hein. C'est possible, mais je n'en suis pas sûr. Bougez pas, on revient dans un instant sur Fun Radio. Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein. Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. 8h46 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio et on va parler de l'infotrafic maintenant, il se passe des trucs sur les routes Julie. Alors évidemment comme chaque matin, ça ralentit sur les grands axes pour rejoindre la capitale et je n'ai plus de voix. Oui qu'est-ce qui se passe Marge? Je pense bien, moi un rhume toutes les 3 semaines on l'a bien compris. Oui en moyenne. Hein. En moyenne, voilà. Et puis sinon accident sur la Nationale 4, Bruxelles, Namur, Arlon, Luxembourg à hauteur de Lézine, c'est en direction de Namur. Le passage est difficile, la circulation est fortement ralentie, un accident donc impliquant une voiture et un camion, c'est au kilomètre 46. Très bien, si vous êtes témoin d'un problème sur les routes, hein, comme d'habitude, vous savez, vous connaissez le principe, faites péter la solidarité de Fun, vous envoyez un message au 3044 avec l'incident que vous avez remarqué ou même un radar éventuellement qui serait bon, planqué. Ça, les radars, si vous pouvez nous signaler les radars. Ah oui, les radars, ouais. Donc 3044 par SMS ou alors mikl@funradio.be, je compte sur vous. On va passer maintenant, eh bien, à la dernière de ce matin, mais malgré tout bonne, je pense en tout cas, la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13 Fun Radio. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio, 7h, 8h et 9h moins quart, avec les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou, justement. Les meilleurs messages, car oui, forcément, on sort d'un week-end, car oui, évidemment, vous avez certainement croisé beaucoup de relous, les filles, et c'est normal, car c'est relou, c'est un peu comme une maladie, hein. On n'arrive pas à s'en débarrasser. On a beau trouver des vaccins, des solutions, des trucs, mais ça revient toujours. Il y en aura partout. Hein. Mais oui, mais bien toujours. Sûr. Tiens, on se nia juste un bouchon aussi sur le pont de Serein qui est à l'arrêt, justement. Donc voilà, évitez ce. C'est le pont qui est à l'arrêt, c'est ça? Oui, enfin, le pont n'est pas à l'arrêt, mais la circulation sur le pont de Serein est à l'arrêt. Oh, dis donc, alors ça y est, les journalistes, elles me reprennent sur une petite phrase. Ah non, mais phrase, pas du tout. Là. Je trouve ça assez drôle que le pont soit à l'arrêt. Bon, attends, ça va. J'ai pris ça comme une attaque. Oh là là, exactement, oui, tout à fait. Pauvre chaton. Oui, oui, tout à fait. Bon, allez, c'est parti, on y va, on écoute maintenant la ligne anti-relou, premier message. Voilà. Ah, c'est tout? Oui, c'est tout, oui. Ah oui, mais voilà, c'est tout. Donc, c'est comme bref, quoi, c'est il y a court, des. Il y a des idiots, hein, faut le dire. Hein. Deuxième message. Summer Simpson, rappelle-moi, c'est ta tof. Mais alors le problème c'est comme il imite mal Homer Simpson, je pense même pas que ça a fait rire la fille en fait hein. Ah non mais. Qui est dommage hein. Non mais attends, comment est-ce qu'on peut imaginer que ça, c'est, ça fait faire un effet, je ne sais pas. Frissonner les filles de plaisir, pas du tout. En même temps, la fille était relativement visionnaire puisqu'elle a vu que c'était un relou, donc elle lui a pas donné le bon numéro, tu vois. Ouais, elle l'a vite compris. Mais je crois que les relous, on comprend très très vite. Hein. Oui, je pense que c'est pas marqué sur leur front, mais pas loin. Allez, dernier message pour ce matin. Salut, Biatch. Voilà, tu m'as mis une boîte, donc Biatch, voilà. Ah ouais, voilà. Ben voilà. Donc lui il avait la rage hein, puisque forcément visiblement on l'a pas rappelé ou en tout cas on lui a mis une grosse tôle. Et donc forcément il tire la gueule le relou. Car oui le relou peut aussi parfois tirer la gueule et le relou est relativement de mauvais joueur en général. Hein. Ah oui non il n'apprécie pas non. Très mauvais, tout à fait ouais. Bon 8h49 sur Fun Radio pour la devinette qui colle de ce matin. Tiens on avait proposé. Enfin alors déjà je vais la répéter. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare. J'ai donné un indice tout à l'heure. Tout le monde en a deux. Les filles peuvent en avoir quatre. Enfin, les filles peuvent pas, les filles en ont. C'est qu'on en ont. Oui, voilà. C'est ça. Quelqu'un proposait donc les mâchoires. Il y a les petites et les grandes. Oui, exactement, oui, c'est vrai, il y en a six. Ouais. Je te rappelle un peu Oui, tout à fait. Bah, comment est fait une femme, Mickaël oui, on en reparlera hors antenne. Bah, ça va, d'accord, c'est gentil. Bon, proposer les mâchoires, c'est pas ça. Et les lunettes non plus, hein, non, pas du tout. Les zygomatiques, c'était à Mario de Châtelet, c'est pas la bonne réponse non plus. Si vous avez la bonne réponse, donc 63-22, c'est 1 euro le message. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elles se séparent. En l'occurrence, là, elles sont en train de se séparer au même moment où je vous parle. Car mais si oui, elles ne se sépareraient pas. Voilà ce que ça donnerait. Voilà, ce qui serait beaucoup moins pratique pour faire de la radio, hein, dans l'absolu. Hein. Bon, dans un instant, on vous appelle pour jouer au jeu de l'iPhone, là, pour repartir avec l'iPhone 4S avec le Mad Mix. Et on écoute Kate de Luna sur Fun Radio avec Drop It Low, 8h50, bon réveil. Kate de Luna sur Fun Radio avec Fat Man Scoop à l'instant, c'était Drop It Low, il est 8h53, bon réveil tout le monde. On est ensemble jusqu'à 9h30 avec tout à l'heure, on part encore une fois de X Factor, on vous remboursera encore une fois également vos factures. Si vous voulez d'ailleurs qu'on vous appelle, c'est dans moins de 20 minutes sur Fun Radio, 63-22, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Voilà, comme par exemple là, quelques petits exemples qui sont arrivés justement, 55 euros, photo de mes trois enfants à l'école. Ah oui, c'est cher les photos d'école, dis donc. Ah bah oui. Ah, moi je te gratuit moi. Non, jamais tu rêves. Non. Qu'est-ce qu'il y a aussi 146,68€ pour Beliacom. Oui, c'est bien cher aussi ça. 98€ pour les mensualités pour un matelas. Il y a également quoi 50€ pour la carte prépayée du téléphone. D'accord, ok, très bien. Bon, on appellera l'un d'entre vous dans quelques instants. Si vous voulez vous inscrire, vous avez encore un petit quart d'heure. 63,22, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bon, nous allons donc appeler encore une fois à Liège maintenant hein, pour faire chier le monde. Vous savez que hier ils ont perdu 5-0 face à Anderlecht. Et donc, alors rassurez-vous, on n'est pas pro Anderlecht ou pro standard ou pro n'importe quoi. Hein, on s'en fout. Hein. Voilà, non, on est pro pour faire chier le monde. C'est-à-dire que ça aurait été l'inverse. Anderlecht aurait pris une tôle 5-0 face au standard. Bah, on aurait appelé Anderlecht pour les emmerder. Bon, oui, là en l'occurrence, c'est dommage, c'est tombé sur vous, les fans du standard. Je suis désolé. Donc, on les appelle ce matin et donc on a reçu un message d'un auditeur qui voulait qu'on en appelle un autre. C'était quoi le message ? Alors, donc le message c'est Francis, c'est un malade du standard. Vous pouvez le joindre au. Et on a le numéro de téléphone, donc on va appeler Francis. Voilà, appelons Francis. Allez, on appelle Francis maintenant sur Fun Radio à 8h55. Allez. Voilà. Appelons Francis. Apparemment, il est fan du standard, donc on va voir. Peut-être qu'il dort encore. Oui, allô ? Oui, bonjour, monsieur. Oui ? Oui, bonjour, les supporters anonymes à l'appareil. Oui ? Oui, je vous appelle après la branlée qui a pris le standard hier. Oui. Hein, 5-0, c'est un peu honteux quand même, hein. Ben ouais, c'est bien. Oui. Donc voilà, donc moi ce que je vous propose en tant que supporter anonyme, c'est de supporter un autre club maintenant, hein, de pouvoir supporter un vrai club qui marque des buts et qui sait gagner. Ah ben là moi je suis pas le club moi. Oui. Oui, bien sûr, mais je vous propose de supporter un vrai club qui marque des buts, qui gagne des matchs. Je sais pas, moi, peut-être, Barcelone ou le Real de Madrid ou Manchester. Enfin, vous voyez, des vrais clubs, quoi. Ouais, ben, je sais pas, vous parlez parce que je suis au travail pour le moment. Oui, ouais, peut-être que vous voulez que je vous rappelle un moment où vous êtes seul, comme ça vous pourrez... Vous pourrez changer de club un peu plus discrètement, parce que je comprends que c'est pas facile. Non, je ne change pas de club, je reste toujours Parce que c'est sûr que parce que je change pas de club. Ah oui, français, oui. C'est pas parce que j'ai battu 5-0 hier en direct qu'il faut changer de club. Oui, vous préférez rester du côté des perdants, en fait. Ah, c'est bien, mais non, parce que je change pas. Ah, monsieur, je suis assez déçu que vous restiez comme ça, enfoncé dans la défaite, enfoncé dans la débâcle, enfoncé dans le désastre, monsieur. Ouvrez les yeux, rendez-vous compte. Ben, vous pouvez me téléphoner à l'autre, mais pas maintenant, parce que je travaille jusqu'à 5h, mais j'ai pas le temps de vous parler maintenant. D'accord, j'ai bien compris. Donc, devant vos collègues, vous ne voulez pas dire que non, vous allez changer de club. Je ne peux pas travailler de maman, on ne peut pas me dire aussi quand je travaille. Oui, j'ai compris, pas de problème. Ben, écoutez, je vous rappelle vers 5h pour que nous puissions trouver ensemble un club qui vous aille beaucoup mieux que le Standard. Ben, ça va. Voilà, allez, à tout à l'heure, monsieur. Hein. Oui, monsieur, au revoir. Au revoir. Ah, il n'est pas contre, hein. Ah bah voilà. Et ben il était contre au début, mais finalement il s'est dit bon bah ouais, il a peut-être raison. C'est parce qu'il y avait les copains autour et tout, il pouvait pas avec les copains autour. Mais c'est là... ça en fait, forcément il pouvait pas dire ok c'est bon, change de club, etc. Voilà, mais là, voilà Francis. Là une fois qu'on sera la seule en tête à tête, mais bien sûr, il va choisir un vrai club. Mais bien entendu, la panoplie complète du supporter. Et le tarif aussi, hein. Ah, évidemment. Car le service est payant, bien évidemment. Ah, évidemment. Bon, dans un instant, on vous appelle pour vous offrir peut-être l'iPhone 4S. Je vous remets l'extrait. Écoutez bien, attention, l'iPhone 4S, c'est à gagner ce matin, toute la semaine sur Fun Radio avec le Mad Mix. Si vous retrouvez les trois extraits qui sont planqués dans le Mad Mix. Et voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322, vous envoyez votre message maintenant avec le code iPhone. Donc vous débutez le message par iPhone, I-P-H-O-N-E en un mot, avec les trois réponses. Et avant 9h30, on appellera le ou la gagnante qui aura peut-être la bonne réponse ou pas, je sais pas, on verra bien. 6322, code iPhone. Bonne chance tout le monde, on vous rembourse les factures également dans un instant. On va s'écouter le son d'Avicii aussi. Avec Florida Levels dans un instant sur Fun Radio. Et puis l'info également de Julie, ça va arriver dans un instant juste après ça. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizée Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Il est 8h59 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. On va passer à l'info dans quelques instants. Je vous rappelle aussi d'abord vite fait l'énigme qui colle pour que vous puissiez vous inscrire pour repartir une dernière fois ce matin avec un écran plat ou les packs Nintendo Wii, la console, les jeux et les manettes. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elles se séparent. Qui suis-je ou que suis-je? La bonne réponse au 6322 également. La réponse est dans mes paroles actuellement. Enfin, c'est la façon dont tu parles quand tu utilises ceci. Exactement. Autre indice, si effectivement je ne devais pas les utiliser ou elles étaient peut-être, je ne sais pas, soudées. Voilà, ça donnerait ceci. C'est facile quand même, là on peut y arriver. Ah oui, là je pense que c'est effectivement relativement facile. 9h sur Fun Radio, bonne matinée. On va passer à l'info maintenant avec July, dernier point info avant la fin de l'émission. Voilà. Bah oui, en toute simplicité. Allez, voilà. C'est parti. Salut à tous, ils avaient promis un cauchemar au Standard. Anderlecht a tenu parole. En 10e journée de championnat, Anderlecht a littéralement atomisé le Standard 5-0. Le FC Bruges a battu la Gantoise de 2-0. Anderlecht prend donc la place de leader dans le classement avec 23 points, suivi par Bruges, ensuite la Gantoise. Le Standard est 6e avec 15 points. Les attestations de retard sont en hausse à la STIB. En juin dernier, on en comptait déjà un peu plus de 5000 contre déjà 6740 pour l'ensemble de l'année 2010. L'explication à cette hausse spectaculaire est essentiellement liée à la mise en ligne du formulaire de demande. Les attestations délivrées par la STIB se présentent sous la forme d'un papier confirmant un retard tel jour, à telle heure et sur telle ligne. Elles servent de justificatif pour les travailleurs arrivés en retard au travail. Un détenu sur trois est en séjour illégal en Belgique fin juillet. Cela concernait 3215 personnes sur un total de près de 11 000 détenus. 2 sur 3 sont définitivement condamnés. 1021 sont par contre en détention préventive. Les autres bénéficient d'un autre statut, la plupart du temps en tant qu'internés. Ces détenus sont originaires entre autres du Maroc, d'Algérie et de Roumanie. Holding communal de Dexia, le gouvernement wallon approuve l'accord trouvé entre chefs de cabinet. Cet accord doit permettre d'assurer la capacité du holding de rencontrer ses besoins de liquidité et jusqu'à la fin du mois de novembre. Le holding serait dans l'incapacité de rembourser un emprunt de 5 millions d'euros et devrait donc pouvoir disposer de ce montant aujourd'hui. Au-delà de ce problème de liquidité, c'est la solvabilité et donc la pérennité du holding qui est en jeu. Le holding n'est donc pas à l'abri de la faillite. Un conseil d'administration du holding communal doit se tenir aujourd'hui à 10h. Et puis aujourd'hui, 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Un Belge sur 7 est confronté à la pauvreté chaque jour. Autrement dit, une personne sur 7 dans notre pays éprouve des difficultés à se nourrir, se loger ou se vêtir. Et cette misère gagne du terrain. Le nombre de personnes ayant recours aux banques alimentaires a explosé en une décennie. Ils étaient 70 000 en 1995. Ils étaient 115 000 en 2008. En France, c'est François Hollande qui représentera le PS aux élections présidentielles de 2012. Il a remporté les primaires socialistes, en tout cas le second tour, avec 56,47% des voix face à Martine Aubry. Et puis enfin, Dominique Strauss-Kahn veut être entendu par la justice dans une affaire de proxénétisme concernant l'enquête sur une affaire de prostitution dans un grand hôtel lillois afin de mettre fin, je cite, aux insinuations malveillantes selon DSK. Le nom de DSK a été mentionné par plusieurs médias comme étant celui de l'un des clients de prostituées œuvrant au Carlton de Lille. 9h03 sur Fun Radio, nous allons passer à la météo maintenant. Une mauvaise météo, hein, voilà. C'est-à-dire que c'est un petit peu une journée de transition aujourd'hui. Les nuages sont de retour, température de 13 à 17 degrés. Si je parle de transition, c'est parce qu'hier il faisait canon et que demain c'est le retour de la pluie. Eh ben cool. Voilà, hein. Oh, bah c'est cool. Bon, bah tant pis, hein. 9h04 sur Fun Radio. Dans un instant, bougez pas de là, puisque dans 30 secondes déjà, on va vous payer vos factures. Hein. 6322, code facture. Vous débutez votre message avec facture, ensuite vous mettez le montant et l'objet de la facture. On vous appelle d'ici quelques minutes, le temps d'écouter. Vichy avec Florida aussi dans un instant et Levels. Et l'info en plus, c'est dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Mais alors, quelle est l'info en plus, justement, à 9h05 ce matin? Eh bien, Spider-Man, Superman, eh bien, tous ces super-héros ne sont rien à côté de Phoenix Jones. Phoenix Jones. Alors, qui est Phoenix Jones? Oui, c'est la question que j'allais me poser, justement. Tiens. Nouveau petit ami de Julie. Non, pas du tout. C'est ça, Phoenix Jones. C'est un super-héros, mais un super-héros pas tout à fait comme les autres, parce que c'est un vrai super-héros. Aux États-Unis, les super-héros n'existent pas seulement dans les BD ou dans les films, mais ils existent réellement. Phoenix Jones est un être humain comme vous ou moi. Et donc ça fait un an qu'il patrouille costumé et masqué dans les rues de Seattle, dans l'état de Washington, et bon, pour vaincre l'injustice, combattre les méchants. Malheureusement, Phoenix Jones a été arrêté à côté d'un nightclub après une bagarre, en fait, parce qu'il a sorti son spray au poivre. Et donc la police l'a arrêté et Phoenix Jones a dû comparaître donc devant la justice. Et malheureusement, cette soudaine médiatisation l'a forcé à sortir de l'anonymat, puisque le tribunal lui a demandé de se démasquer à l'audience. Donc Phoenix Jones a dû enlever son masque. Mais il a dû enlever son beau masque. Quel dommage. On a pu comprendre que derrière Phoenix Jones se tenait Ben Fodor, un être humain tout à fait normal, comme nous tous. Et Ben Fodor, ben lui, voilà, il parcourait les rues déguisé en Phoenix Jones pour combattre le mal, mais combattre le mal de manière assez gentille, hein, puisque ça va, avec une bagarre, il sort son spray au poivre. Ça va, quoi, tu vois, il y a pire. Oui, c'est vrai qu'il y a pire. Il n'était pas vraiment armé. Ouais, j'avoue. Non, moi, j'ai dit oui aux super-héros, oui à Phoenix Jones. Bon, bah très bien. 9h06 sur Fun Radio. Dans un instant, on vous rembourse aux factures. 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et puis on va s'écouter le son d'Avicii maintenant sur Fun dans Mickaël à la radio, 9h06, Avicii Florida Levels. Avicii sur Fun Radio avec Florida et c'était le titre Levels. 7h10, 8h10, 9h10. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et oui, on vous rembourse vos factures cash sur Fun Radio. C'est comme ça que ça se passe chaque matin sur Fun Radio. Avec une petite matinée sans faute là ce matin, ça fait plaisir. On a appelé à 7h10, on a remboursé. On a appelé à 8h10, on a remboursé. On va appeler maintenant à 9h10. Et ben, j'espère qu'on partira pas sur une note négative. Allez hop, c'est parti, on rembourse combien Toff? Nous remboursons 45 euros. 45 euros, très bien. Alors, plus d'une centaine d'euros déjà remboursés ce matin. 110, 120. Oui, allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Qui paye les factures le matin? Oui, bah, ça t'a le radio. Eh ben oui, voilà la bonne réponse. Comment tu t'appelles? Ina. Ina, salut Ina. Est-ce que tu es aussi bien que Ina qui fait des chansons? Réponds oui. Oui, d'accord, oui. Ok, très bien, parfait. Bon, Ina, t'as quel âge? T'es dans quelle ville? Je suis de Liège et j'ai 30 ans. D'accord, sois la bienvenue Ina de Liège. C'est sur 99 FM qu'on écoute Fun Radio à Liège. Et donc bah, on va te rembourser ta facture 45 euros. Oui. C'est pour payer quoi? Oui. En fait, c'est pour une sortie pour la petite à l'école quelques mois, oui. D'accord, ok. Eh ben écoute, pas de problème, on va te rembourser ça, il n'y a aucun souci, on va t'expliquer aux antennes comment ça marche, pas de problème. Ok, c'est gentil, merci. Salut Ina, gros bisous, oui. Et passe une bonne journée. Et puis bah les autres. Et ben voilà. Et puis les autres, si vous voulez faire pareil, n'hésitez pas, hein, vous nous envoyez votre message, 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle, que je vous rappelle encore une fois, hein, vite fait comme ça, hein, placé comme ça, c'est plié. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare. La bonne réponse aussi au 6322. Il y a des écrans plats ou des packs Nintendo Wii. Et on aura aussi les iPhone 4S à vous filer avant 9h30 avec le Mad Mix. Dis donc, encore plein de choses à faire hein, avant de partir. Et DJ Abdel aussi avec Soprano. On va écouter C'est ma live sur Fun. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Allô. DJ Abdel sur Fun Radio avec Soprano à l'instant, c'était C'est ma life, 9h15 sur Fun, dans un instant c'est l'horoscope, mais avant l'horoscope, nous allons maintenant donner la réponse à la devinette qui colle. Devinette qui colle que je vous ai annoncé tout à l'heure, hein. Je vais la répéter encore un coup. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare et nous allons avoir la réponse maintenant avec qui. Bonjour Virginie de Wemel. Salut Virginie de Wemel, comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, bah tant mieux, t'as quel âge Virginie? 38 ans. 38 ans, 104.7 pour écouter Fun Radio à Wemel, donc c'est à Bruxelles. Hein. Et donc, oui. Virginie, tu as la réponse à la devinette. Il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare. Qui suis-je? Que suis-je? À mon avis, c'est son élève. Et oui, mais tu as donné sûr. La bonne réponse, car c'est grâce à elle que je parle. Les filles en ont 6, 2 au niveau de la bouche et 4 autres oui, plus bas. Plus bas, c'est-à-dire au niveau du sexe. Ah voilà, oui. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Et donc bravo. Bah écoute, c'est gagné. Tu vas repartir avec soit l'écran plat, soit le pack Nintendo. Oui, à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux? L'écran plat. Allez, c'est pour toi. Hop là, pas de problème. On va te renvoyer au standard, rien de plus. On en est à une 60aine d'écrans plats déjà offerts depuis le début de l'émission. On n'arrête pas, hein, là. Plus de 3000 euros de factures déjà remboursées. Bien cher l'émission, hein. Oui, ça, c'est pour ça que. Ouais, en plus, avec le salaire de Julie qui nous coûte un bras. Ah oui, non, mais moi je coûte, mais un pouf. Mais grave, oh là là, attends, là. On a dû négocier un truc de fou hein, pour la voir. Et encore, j'ai accepté de le réduire à 50%. Ah bah, hein. C'est ça. C'est pour dire. C'est ouais, pour dire. Trop bon, trop con, comme on dit. Hein. Mais ouais. Bon, bah, en tout cas, Virginie, bravo à toi. Tu retournes au standard. On va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ton écran rapidos, d'accord? Super, merci. Bisous. Salut, salut. Eh bah, la bonne journée. On va voir si elle va être bonne, justement, avec l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Oh, quelle transition. On dirait que je fais de la radio depuis super longtemps, donc. Ouais, on dirait que t'as comme de l'expérience. Comme ça. C'est ça, c'est un truc de dingue. Bon, l'horoscope maintenant avec Doudou, comme d'habitude. Bah, qu'est-ce que vous faites, Doudou, là? Ah ouais, j'essaie de faire sortir le malin qui est en vous, là. Non, mais tout va bien, Doudou. Hein. Mais non, ça ne va pas. Hein. Vous voulez faire deux émissions dans la même journée, ça ne va pas du tout. Non, mais Doudou, c'est parce que Vince est en congé, alors je le remplace. Ah, c'est tout? Mais oui. Ah, pas d'esprit ou de malin dans votre corps? Mais non, Doudou, si vous aviez demandé aussi, je vous l'aurais dit. Si, peut-être qu'il y a quand même un peu de malin dans son corps. Mais non, mais bien sûr. Je vais vérifier, alors. Mais non, mais non. Allez, les béliers, Doudou. Oui, les béliers, battez-vous avec détermination et le succès arrivera. Les taureaux. Soyez réceptifs aux besoins de votre partenaire. Les gémeaux. Une embûche sur votre chemin ne va pas vous arrêter. Les cancers. Aujourd'hui, vous êtes imbattable. Une bonne idée vous apportera un succès professionnel. Les lions. Une fois de plus, vous ferez l'expérience qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah, ça arrive souvent, ça. Hein. Les vierges. Votre ambition malsaine pourrait vous causer des problèmes. Les balances. Avec de la diplomatie, vous continuez à avoir du succès. Ensuite, les scorpions. C'est bien de s'engager pour les autres, mais veillez à ce que cette serviabilité ne soit pas trop exploitée. Les... Où est-ce qu'on est? Les sagittaires, voilà, c'est Il ça. Il faut parfois bien faire la différence entre vos amis et vos adversaires. Les capricornes. Demandez conseil à votre partenaire. Les vers... Oui, attends, j'ai pas fini. Oui, excusez-moi. À deux, on voit mieux les choses. Très bien, les Verseaux. Ne jouez pas à des jeux de hasard. Oui, et surtout, ne vous engagez pas dans des spéculations. Bon, et puis les poissons, hein? C'est un bon jour pour en finir avec des disputes familiales. D'accord, très bien. Ben merci, Doudou. Ben de rien, demain. Ben voilà, je vous en prie. Oui, bon, voilà. Dans un instant, on va donner aussi la réponse. Ben, la réponse, j'espère, en tout cas, pour repartir avec l'iPhone 4S, avec bien évidemment le petit Mad Mix à découvrir. Je vous le remets, on jouera d'ici quelques minutes. Mad Mix, si vous avez une idée, quels sont les 3 titres planqués dans le Mad Mix? Voilà la réponse à envoyer au 6322 en débutant le message par iPhone avec vos trois réponses tout simplement. Et puis on vous rappelle peut-être d'ici quelques minutes pour que vous puissiez donner les réponses en direct à l'antenne. Et on va écouter Mutton Heads maintenant avec Eden Martin, c'est Trust You Again sur Fun. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Mutton Heads sur Fun Radio. Tous les matins, je n'écoute jamais Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. 9h23 sur Fun Radio avec Mutton Heads. À l'instant, c'était Trust You Again avec Eden Martin. Dans un petit instant, il y aura eh bien Lucas avec le self qui va débarquer comme chaque matin entre 9h30 et 13h sur Fun Radio. Le self donc avec les morceaux que vous pouvez choisir évidemment au 3044 en débutant votre message tout simplement par self ou alors en faisant un mail à Lucas, comme ça c'est gratuit, c'est lucas@funradio.be. Alors, on va parler de X Factor dans un instant, mais avant cela, nous allons jouer maintenant pour peut-être faire tomber l'iPhone 4S, enfin le faire tomber, on se comprend, hein, pas le jeter par terre, mais c'est juste si pour ça le faire. Bien, comme ça, tu sais, on te l'envoie, mais il est cassé déjà. Voilà, ça, c'est ça. Ça pourrait être un chouette jeu, ça. Ça pourrait être sympa, mais ce ne sera pas le cas en l'occurrence. Tu vois exploser ouais. Comme ça un iPhone. Ouais, ça doit être. On va essayer avec le tien. Ah, tiens, vas-y, je te le donne. Ah, bah vas-y. Bon, alors, je disais, donc, on va vous l'offrir donc ce matin, si vous avez la bonne réponse, évidemment, au Mad Mix. Et nous avons Aurélie qui est avec nous maintenant pour jouer 25 ans de Namur, 107.5 pour écouter Fun Radio à Namur. Salut Aurélie. Salut, ça va et toi? Bah tant mieux, alors ça ira peut-être mieux dans un instant puisque tu repartiras peut-être avec un téléphone. Oh, une bagatelle hein, qui vaut quoi, 600-700 euros? Peut-être 800 oui. Même, ça dépend, je sais même pas quelle offre. Mais enfin bon, bref, c'est minimum 650 je crois, un truc comme ça. Enfin, bon. Ah oui, quand même. Ah oui, bah c'est bien, c'est pas donné un iPhone, hein, moi. Ça fait plein de choses, hein, mais... Ça te ruine aussi en même temps. Bon, c'est pour ça qu'on vous l'offre. iPhone 4S qui n'est pas encore sorti en Belgique, sortira seulement dans un peu moins de 15 jours. Mais on vous l'offre en exclu total sur Fun. Si tu as la réponse au Mad Mix, quels sont les trois titres qui sont planqués dans le Mad Mix? Écoute bien. Alors, est-ce que tu as la réponse, Aurélie? T'enflamme pas. Parce que, ah oui, j'ai la réponse. Attends, on va d'abord vérifier. Alors, David Guetta. Oui. Gilbert Montagnier et j'ai bien entendu Stromae. Et dans quel ordre, c'est ça la question? Non, pas, je suis pas sûr. On va pas faire les enculés quand même. Eh ben, c'est une bonne réponse. Wow. Eh oui, c'est une bonne réponse. Les trois titres, le Mad Mix, le premier de la semaine, a déjà été découvert. Heureusement qu'on a joué hier et tout ce week-end. L'iPhone 4S, il est pour toi. Tu vas gérer un blanc noir. Tu vas voir ça au standard. Je sais même pas si tu peux choisir. Moi, je pense que oui, a priori. Hein. Non, je choisis rien du tout. Donc voilà, si tu veux blanc choisis, noir. 4S, voilà. Tu es célibataire, Aurélie? Oui, je suis célibataire. Tom viendra te déposer l'iPhone et te le configurer directement en personne à la mur. Hein. Je te l'allumerai personnellement. Voilà, il te le branchera sur iTunes, quoi qu'il faut plus là maintenant après sur les nouveaux. Mais bon, voilà, il te configurera, il y aura un petit mode d'emploi personnalisé fait par Tom. Non, je ne sais pas de la part de Tom. Ah bah tu sais bien que c'est toujours pour rendre service, hein, il n'y a pas de souci. Ouais. Évidemment. Bon, et bah passe une bonne journée alors, hein. Gros bisous Aurélie, à bientôt. Salut. Bon, tirez pas la gueule hein, ceux qui n'ont pas gagné. Il y en a d'autres à gagner toute la semaine sur Fun Radio là avec d'autres extraits, un nouveau Mad Mix. Qui va voir le jour d'ici peu. Quand je dis d'ici peu, c'est tout à l'heure avec Lucas évidemment dans le self dès 9h30. Voilà. Et puis on va parler maintenant également d'X Factor. Eh oui, X Factor, vous connaissez bien sûr cette grande émission. Hein. J'ai décidé ce matin de vous apprendre à comment massacrer une chanson en trois leçons. Alors ça se passe dans l'émission. Donc X Factor, c'est en Bulgarie. Et pour ceux qui ne savent pas encore, X Factor, c'est un concours de chant où les castings se font en public. Et là, débarque une blonde qui. Je vais pas dire chante parce que ce serait quand même une insulte pour tous les chanteurs, mais en tout cas, elle est là. Ça fait mal. Hein. Ouais. Bah c'est Bon Jovi en fait à la base. Hein. Et donc, bah oui, c'est ça. Ouais. Faut donc, le savoir. Hein. Ah oui. Si vous arrivez à reconnaître le titre de la chanson, par contre, je peux vous offrir un cadeau. Et donc bon, bref, la meuf qui s'y croit, hein, parce que l'on entend qu'elle s'y croit quand même. Hein, et donc elle commence à courir sur scène et écoutez bien la fin. On sait pas là, hein, c'est plus loin. Donc là, elle se casse la gueule, hein, faut quand même dire, il faut dire les choses, hein, elle tombe. Et donc même sur l'image, on entend bien le micro qui s'écrase hein, vers la fin, comme je vous l'avais dit. Bon, là, normalement, toute personne normalement constituée serait partie se cacher, mais elle, non. Et non, la meuf, elle n'a pas honte, elle remonte sur la scène et elle achève la chanson, et ça, c'est beau. Ça, pour achever la chanson, elle l'achève. Ah oui, ça, elle l'achève. Hein. Et quelle voix. Ah oui, non, c'est assez violent. Hein. C'est horrible, c'est juste horrible. Alors, faut dire aussi que le public l'encourage, ça c'est pas bien quand même. Hein. C'est très mal. C'est bon, très très mal. C'était Bon Jovi, je vous l'avais déjà dit, avec Bad Name, le nom de la chanson qu'elle vient de détruire, hein, on peut le dire. Hein. Oui. C'est on peut le dire, comme on l'avait dit. Hein. C'est, ah oui, oui, totalement, totalement déchiré, c'est vraiment dommage. Bon, ben bah, voilà pour X Factor. On a fait le tour de tout là, je pense, non? Ouais, on a offert un iPhone 4S. Ouais. On a payé des factures. On a payé des factures et on va revenir ce soir à partir de 20h pour la libre antenne. Hein, voilà, en pleine forme. Ah mon dieu. Mais ça va aller, attends, tu rigoles ou quoi? Il reste 10 heures là. Ah bah ça va alors. Bah voilà, on a 10 heures pour aller dormir. Attends, tranquille. Ah bah on est au taquet. Mais oui, ce soir on se retrouve en direct sur Fun Radio pour la libre antenne avec Baikov, avec l'abbé également qui sera là, avec Cathy, avec Aline la stagiaire qui sera là aussi pour vous répondre au standard et sans Julie malheureusement. Bah oui. Elle a peur de nous en la libre antenne. Elle n'ose pas venir. Elle a les boules. C'est bah, une pas du tout. Petite joueuse. Mais j'aurais oui. vraiment voulu être là. Mente. Et vous le savez très elle bien. Si tu avais vraiment envie, tu viendrais. Mais bah, exactement. Écoute. Quand on veut, on peut. Voilà. Bah, pas toujours, malheureusement. C'est vrai. Bon, 9h29, dans un instant, Lucas donc, débarque, comme je le disais, pour le self. Il y aura Jasmine juste après avec Pure Dance Floor. Le retour d'Evan et la tribu, évidemment, à partir de 17h. Et puis, comme je le disais, eh ben, la libre antenne, on sera là en direct ce soir dès 20h avec vous toutes et vous tous pour parler de tout et n'importe quoi. Et pour délirer ensemble, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, si vous le voulez, évidemment, en faisant un petit mail, mikl@funradio.be, où vous allez traîner sur le Facebook, où on salue d'ailleurs tout le monde également sur facebook.com/mikl officiel. La bonne journée, tout le monde. Rencard demain dès 6h. Ciao. Je vous manque déjà. C'est un cauchemar. Pas de panique. Mikl à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio. Votre seule chance de gagner un écran plat toutes les heures, c'est d'écouter Mickaël à la radio tous les matins. Trouvez la réponse à l'énigme de Mickaël. Et vous gagnerez peut-être une de ces trois télémises en jeu chaque matin. Ouais, c'est pas vrai. Mais ça fait vos bêtises, hein. Pour remporter le prochain écran plat, rendez-vous demain dès 6h sur Fun Radio. Merci Fun Radio. Mickaël à la radio, la seule émission de Belgique à vous offrir une télé toutes les heures. Oh, j'aime bien son... Ah non de Dieu. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor.